D'accord. Ben, en vacances, souvent, on voyage. We have a new type of rule now. Not one-man rule, a rule of aristocracy or plutocracy, but a small group's elevated to positions of absolute power by random pressures and subject to political and economic factors that leave little room for decision. They are representatives of abstract forces who have reached power through surrender of self. The iron-willed dictator is a thing of the past. There will be no more Stalins, no more Hitlers. The rulers of this most insecure of all worlds are rulers by accident, inept, frightened pilots with controls of a vast machine they cannot understand, calling in experts to tell them which buttons to push. C'est fou ce que ça a changé la contrescarpe et tout ce côté-là. Moi, c'est mon quartier d'enfance. Alors, c'est mon vidéoclub où j'ai loué pour la première fois le pilote de Twin Peaks en VHS. C'est ma bibliothèque, ma librairie, des cinémas. Bon, il y en a toujours, hein, y a toujours eu beaucoup de restaurants, mais là, il n'y a que ça. Bon, il y a toujours ma bibliothèque, il y a toujours ma librairie, mais plus de vidéoclub, bien sûr. Bon, ça a toujours son charme, hein, mais je sais pas, c'est plus la même chose. C'est moi qui vis, ou c'est le temps, ou le monde qui a changé. Je me souviens la première fois où j'ai entendu Nicolas faire je me souviens dans l'émission. Et je crois que je savais pas que c'était un bouquin de Pérec en fait. Alors moi je me souviens quand j'étais petit, j'aimais bien le foot. La France elle jouait plutôt bien. Quand je dis ça, c'est veut dire qu'elle faisait le jeu. C'est elle qui était sur le terrain, qui distribuait bien le ballon comme on disait. Mais la plupart du temps, ben, ils perdaient. Mais ils jouaient. C'est peut-être ça qui a changé aussi aujourd'hui. L'équipe de France, ben, ils jouent plus. C'est l'équipe d'en face qui est belle, qu'on a envie de regarder, mais c'est elle qui gagne. Ah, si seulement, un de ces joueurs avait refusé de serrer la main à Poutine. Ou alors, s'il y en avait un qui avait un t-shirt pour la libération du réalisateur Oleg Sentsov. Une Coupe du Monde exemplaire, lit-on, au moment où Oksana Tchatchko, l'une des créatrices du mouvement des Femen, vient de se donner la mort. Et si seulement, un de ces joueurs ne s'était pas fait embrasser sur la tête par l'autre empaffé. Comme si cette image pieuse, quasi religieuse, ne pouvait pas faire que vomir. Et derrière tout ça, il y a toujours les mêmes combats, toujours à mener. Oui, aujourd'hui, on le sait, le monde a changé, mais pas complètement. Regardez, il a changé. Alors, à la radio, ça marche pas, mais peut-être que certains d'entre vous ont vu. Il y a des affiches à Paris qui proclame un slogan, je le montre à mes invités, que c'est « Entrepreneurs de tous les pays, unissez-vous ». Slogan encerclé par deux jeunes enfants sautant en l'air et réjouis de ce futur visiblement prometteur pour leur vie. Le cynisme est devenu loi. Plus besoin de se cacher, ils ont gagné. Et les affaires permettent de cacher les vrais problèmes humains qui aujourd'hui nous débordent et deviennent malheureusement trop quotidiens. Il y a encore des gens là en ce moment, ça a déjà été souvent annoncé ici, hein, bien sûr, le DAL qui disent, il y a oubliés du logement qui sont 21e jour, le 25 juillet, des camps d'oubliés du logement à la République, avec des enfants qui dorment encore dehors, encore aujourd'hui, et en ce moment même. Ce n'est plus l'anticapitalisme qu'il faut faire aujourd'hui. C'est bien, comme dans le film de l'une de mes invitées qui est là aujourd'hui, une destruction pour une reconstruction. Mais évidemment, c'est difficile. Alors bon, je ne crois pas que ce soit des graines d'amour qu'il faille semer. Moi, je n'y crois pas trop, plutôt des graines de révolution. Mais alors que cette chanson que vous allez entendre aura 30 ans l'année prochaine, comme le disent des paroles, il est grand temps de se lever et de bousculer la façon de voir les gens. Donc Tears for Fears, bien sûr, Sowing the Seeds of Love, à un moment donné, donc sentez la douleur, parlez-en si vous êtes un homme inquiet, criez, ouvrez vos cœurs, parlez-en, sentez-les, voilà, il faut crier, c'est une chanson qui est beaucoup plus, enfin voilà, qui sur ce côté, évidemment, très Beatles, a des paroles qui sont très intéressantes. Je vais vous traduire quand même, vous avez entendu un tout petit, après c'était Twin Peaks, l'année dernière, apparaissait sûrement ce qui était l'une des choses les plus importantes dans l'audiovisuel, c'est-à-dire la saison 3 de Twin Peaks, Twin Peaks Returns, absolument, voilà, un moment incroyable d'ailleurs, un making-of de 5 heures est sorti, qui est paraît-il juste incroyable pour voir Lynch travailler, et aller savoir pourquoi il fait 5 heures aux États-Unis et nous il fait plus qu'une heure et demie quand il est sorti en DVD, on a vraiment, enfin bon, mais à voir absolument, visiblement. Donc ça, c'était d'abord Twin Peaks, c'était le générique d'aujourd'hui, et ensuite vous avez entendu une voix que certains de vous ont peut-être reconnue, une voix d'un très très grand, très grand romancier, très grand auteur, qui s'appelle William Burroughs, plus connu évidemment pour notamment Le Festin nu. Et je vais juste vous traduire son petit texte s'appelle Plus de Staline, plus d'Hitler. Nous avons une nouvelle sorte de gouvernement. Ce n'est plus la loi d'un seul homme, ou la loi de l'aristocratie ou de la plutocratie, mais d'un petit groupe de personnes élevées à une position de pouvoir absolu par de nombreux phénomènes aléatoires et sujets à des facteurs politiques et économiques qui laissent peu de place aux décisions. Ce sont des représentants de forces abstraites qui sont arrivés au pouvoir en oubliant complètement qui ils ou elles sont. Le dictateur au point de fer est une chose du passé. Il n'y aura plus de Staline, plus d'Hitler. Les gouvernements de ce monde, plus que jamais incertains, sont des gouvernants par accident, ineptes. Ce sont des pilotes effrayés aux commandes de vastes machines qu'ils, elles, ne peuvent pas comprendre et s'obligeant à faire appel à des experts pour savoir sur quel bouton appuyer. Évidemment, vous connaissez Burroughs, il ne demande pas ce qu'on ait de nouveau des Hitler et des Staline, juste pour dire que les gouvernements qui sont aujourd'hui, évidemment, à nos têtes sont peut-être, pourquoi pas, en tout cas, peut-être pas aussi effrayants, mais en tout cas, quasiment aussi effrayants que ce qu'ils pouvaient être avant eux. Voilà, c'était le début de cette de Bulle de rêve, bien évidemment. Je crois que j'ai même pas cité le nom de l'émission. Avec dans le studio, les Tears for Fears de l'animation, Francis Gavel et Alexis. Non, je me suis demandé ce qu'il fallait que je dise. Non, mais très bien, c'est là, oui. Merci. Parfait, les Tears for Fears de l'animation. Je ne sais pas lesquels étaient. Mais bon. Roland, c'est qui? Ah. Je fais Roland aussi. D'accord, donc moi je suis derrière dans l'ombre. Mais je fais tout pour ce groupe qui a une star devant. C'est toi, tout à fait, merci. Pas de problème. Deux invités autour de cette table que je suis ravi d'avoir. Virginie Keaton, bonjour Virginie. Bonjour. Et Maëlys Valade, bonjour Maëlys. Bonjour. Et avant de vous les présenter, on va juste écouter un tout petit extrait, Nicolas. En fait, vous écoutez peut-être cette émission Bulle de rêve. Nous, on est le 28 juillet, 27, 29. On est fin juillet. Et une grande partie d'entre vous, vous êtes peut-être en train de vous baigner ou ailleurs. Et donc, peut-être que vous l'écoutez en septembre. Et si là, en ce moment même, nous sommes donc pas dans le même temps, vous et nous, puisque là, vous l'écoutez en septembre, et bien en septembre, il y a plein de choses qui vont se passer, dont un festival qui s'appelle le PIAF. Oui, je sais, je fais un petit peu de pub par rapport au festival sur lequel je travaille, mais en fait, c'est pas tellement par rapport à ça, c'est, vous savez, j'ai souvent dit à ce micro, battez-vous par rapport au monde de l'animation, vous les gens de l'animation, je trouve que je vois peu de gens d'animation dans les salles d'animation. Donc il y aura un festival, je peux vous dire quelques petites choses, la séance d'ouverture sera avec un monsieur qui est plutôt pas inintéressant, puisque c'est Sébastien Lodenbach, et donc la jeune fille, jeune fille est la main. Ça y est, j'ai trop de mémoire, la jeune fille sans main. Merci beaucoup, Francis. C'est pour ça qu'il est là. C'est toujours le backup derrière. Donc, on fera une espèce de séance comme ça, un peu exceptionnelle. L'ENSAT sera l'école invitée. On va avoir une séance spéciale Shadok. Je vais faire une conférence sur engagement et cinéma d'animation, avec montrer aussi quelques films récents d'animation. Venez, c'est gratuit. C'est au Théâtre de Ménilmontant, du 20 au 26. Puis si vous ne pouvez pas venir en septembre, je suis persuadé que dans une ville à côté de chez vous, il y a forcément des gens qui montrent du cinéma d'animation. C'est drôle parce que j'en parlais avec l'une de mes invitées et c'était mon topo du début. Elle ne le savait pas et on en parlait. Et il faut arrêter de voir Annecy comme la messe. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on va, et j'aime bien le festival Annecy, mais c'est comme si tout le monde se recueillait là-bas uniquement une fois par an. On va à Annecy. On va nulle part ailleurs. C'est trop compliqué, on a trop de travail, on n'a pas de chance. Et c'est l'un des métiers quand même que je connais qui est le plus comme ça, où les gens font un métier qu'ils ne vont pas voir. C'est quand même assez incroyable. On n'a pas de spectateurs, on veut faire des choses, on veut toujours plus d'argent, mais les gens ne vont pas en salle. Alors moi, c'est pas pour le Pierre Fond lui-même. Allez voir, il y a le Forum des Images qui va faire son carrefour de l'animation. Il y a Rennes, il y a plein d'autres. Il y a des festivals incroyables un peu partout en France. Et si jamais il y a pas de festival vers chez vous, ben crésant, essayez d'avoir une salle. Les gens de l'animation sont absolument adorables, faut pas trop leur dire. Mais souvent, si vous leur dites j'ai pas trop d'argent, est-ce que je pourrais payer un forfait? Souvent, ils veulent bien parce qu'ils aiment bien montrer leurs films, ce qui est plutôt bien. Ils sont jamais montrés. Et je sais ce qu'on dit. Tout travail mérite rétribution. C'est pas nous ici, Radio Libertaire, on fait ça évidemment tous bénévolement, on vous dira le contraire. C'est évident qu'il faut le faire, mais je pense que c'est important, je pense que c'est la base des choses. Et si je voulais commencer avec ça, c'est parce que je pense que mes deux invités notamment, et je voulais commencer là-dessus, vous avez reconnu peut-être pour certains d'entre vous Val Power, la musique de Je crée contre la vie ou pour elle. D'une de mes invitées, Virginie Keaton, est réalisatrice plutôt de courts-métrages. Elle a commencé dans l'illustration notamment, mais elle a fait du court-métrage, trois courts-métrages qui ont fait d'elle sûrement l'un des noms les plus importants pour moi du monde de l'animation aujourd'hui, qui est Je crée contre la vie ou pour elle, ensuite Mars et Van et récemment Le Tigre de Tasmanie. On en reparlera dans un second temps. Et ma deuxième invitée, elle a aussi, j'ai pris parce qu'elle a, une liste de films assez impressionnante. Je suis toujours un peu bordélique, hein. Je ne suis pas Francis Gavel, donc j'ai tous mes papiers, mes dessins, etc. Elle a fait l'EPSA, on nous dira ce que c'est. Alors, elle a fait Les Gobelins et elle a travaillé, vous savez, c'est toujours bien quand on a ça, elle a travaillé sur Adama, Ernest et Célestine, Le Petit Prince, Tout au long du monde, Les Hirondelles de Kaboul, Un homme est mort, J'ai perdu mon corps, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le prochain Jérémy Clapin, et Calamity Jane. Donc, plutôt du lourd, pas mal de longs métrages, elle a travaillé sur du court métrage aussi. Et en fait, je voulais commencer parce que toutes les deux, vous avez un côté qui est assez militant, chacun dans votre vision. Alors, je voulais savoir, c'est simple, hein, sur son site, le Maëlys a un petit texte et dit « Je favorise le travail en équipe et les projets collectifs qui œuvrent dans le sens d'un certain engagement. La portée symbolique et politique des sujets sur lesquels je travaille font partie de mes priorités. » Ouais. Vas-y. Est-ce que c'est ça, c'est quelque chose donc qui se retrouve, et le fait de travailler par exemple, même si c'est au début, sur Adama, sur des gens comme Simon Roubi ou quoi, c'est. Oui. Bah, sur Adama, du coup, c'était pas une très longue durée. C'était au tout développement du début. Après, j'ai basculé sur d'autres sujets et puis voilà. Mais en tout cas, oui, si j'ai écrit ça là dans ma biographie, c'est parce que c'est très important pour moi et parce que ce qui est hyper récurrent dans ce qu'on me demande à chaque fois, c'est mais t'as pas envie de faire ton court métrage, de faire ton machin. Voilà. On m'a beaucoup poussé parce que j'avais un profil assez atypique et puis une démarche assez personnelle. Et en fait, j'œuvre beaucoup pour le collectif. À force d'avoir travaillé sur des longs métrages, je me suis rendu compte, puis avec des personnes très sympathiques, hein, j'ai eu de la chance. pour ça. Mais je me suis rendu compte qu'on avait une vraie valeur ajoutée chacun. Et en fait, notre travail collectif ensemble fait qu'on a été plus loin, quoi. Enfin, j'ai eu une autre interview avec un monsieur qui m'a dit seul, ça va plus vite, ensemble, on va plus loin. Voilà, enfin, en gros, c'était un peu ça. Et voilà. Il y a une vraie mise en place d'un travail qu'on parle militant dans le long métrage aujourd'hui, le long métrage européen, français, européen. Ah oui, enfin, moi je sens la tendance là depuis quelques années, j'allais dire même les trois dernières années, à complètement vouloir plonger dans des films et des thématiques, parce que je pense que tous les régimes à travers le monde, enfin tous les États commencent à plonger soit dans le libéralisme ou des trucs comme ça assez, de manière assez sauvage, et voilà, enfin tout le monde se sent un petit peu touché par ça. Moi, ce que je trouve un peu dommage mais assez bien aussi, c'est que nous, Européens, on a tendance à s'accaparer des thématiques exotiques, enfin des films, enfin voilà, Adama, ouais. Les Hirondelles de Kaboul, d'Afghanistan, machin et tout. Et il se passe des trucs tout aussi importants en fait en France, etc. Moi, c'est une démarche que j'entreprends là petit à petit et que j'aimerais aboutir, c'est arriver à faire des longs métrages. On parle de ce qui se passe ici aussi. Dans Un homme est mort, c'est ce qui s'était passé. C'est ce qui m'a. Enfin, j'étais vraiment contente de bosser sur ce film parce que c'était les manifestations. Bon, c'est la date qui n'est pas actuelle, c'était en 1956, mais c'était 51. Je sais plus. Plus la date exacte, mais en tout cas, oui, c'est les années 50. Mais voilà, enfin, c'était à l'après-guerre. Il fallait reconstruire Brest, et puis un homme meurt en manifestation. Et avec mes collègues, on était en train de faire les manifestations de 2016 en même temps. Ça faisait écho totalement à ce qui était en train de se produire. Et en fait, on s'aperçoit que ça va même plus loin aujourd'hui, en fait, parce que maintenant on dit un homme est mort, c'est presque banal. Hein. Enfin, on voit des gens se faire tabasser, les violences policière à outrance, on va pas parler de Notre-Dame de Landes ou des trucs comme ça, mais ou des Rémi Fraisse ou des Boubacar, bah, je sais plus comment il s'appelait, oui, mais tout ce qui se passe, voilà. Et donc je trouve qu'il y a tellement de choses ici qui se passent en France, voilà. Et donc je sens que le cinéma et toutes les personnes qui veulent faire du long métrage ont envie de s'accaparer ces thématiques de plus en plus adultes. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, à ton avis, de passer le cap? C'est uniquement l'argent. C'est-à-dire que vous en avez envie. Il y a des créateurs, ouais, derrière qui en ont envie. Je sais qu'il y a des grosses structures comme Netflix ou des machins comme ça qui commencent à sentir le vent tourner dans ce sens et qui se mettent à financer des choses adultes. Enfin voilà, ça se passe pas mal en série adulte. Donc je ne sais pas ce que ça deviendra, mais en tout cas en France, pour les financements, pour avoir les subventions du CNC machin, sur des trucs assez assez poussés, assez engagés, assez politiques, c'est encore il y a du chemin, quoi. Est-ce qu'on va pas devoir passer par des films? C'est quelque chose dont on parle souvent ici, parler sur des films peut-être différents au niveau visuel, en tout cas au niveau de l'animation, et créer des films déjà moins cher pour peut-être pouvoir ensuite repartir sur des films un peu plus chers, toujours sur des sujets évidemment forts et importants. En fait, c'est ce qui se passe. Ouais. Enfin, là, sur Un homme est mort, voilà, ouais. c'est ce qui s'est passé. Les Hirondelles de Kaboul, là, enfin, je vous le dis, hein, ils sont en train de faire une prouesse hallucinante, mais ils bossent comme des fous. Et Léa, qui est réalisatrice, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de réalisatrices, on va le souligner, mais là, ils sont en train de boucler avec un. Ils avaient très peu de budget, enfin, plus qu'Un homme est mort, quand même, si c'est pas le double ou le triple, mais avec une coproduction éclatée aussi, et où il fallait un peu garder le contrôle sur tous les éléments, et où ça n'a pas été simple, mais concrètement, là, ils sont en train d'arriver à quand même donner un niveau au truc qui, je trouve, enfin, en termes de qualité d'anime, etc., qui vont peut-être plus loin qu'Un homme est mort, même si, enfin, je pense que je ne les mettrais pas en comparaison. Moi, je trouve c'est deux films complètement différents. Voilà. J'espère qu'on écoutera, d'ailleurs, qu'on entendra un peu plus Léa. Enfin, on entendra un peu dans les médias que sa co-réalisatrice, qu'on risque d'entendre beaucoup, qui est une actrice très connue, dont je ne citerai pas le nom, parce que justement, on va tellement l'entendre prochainement que j'espère que, voilà, qu'on aura ça. Virgin, toi, ça a commencé, on va revenir loin, ça a commencé ce côté un peu engagé, mais tu vas me dire peut-être, j'ai découvert ça avec une série qui s'appelle Pressing. Oui. qui vient d'un lieu, le lavoir public, c'est ça à Lyon. C'est ça, ouais. Et qui était une espèce de moment satirique, alors, c'est ça, politique. Oui, alors c'était même avant que le lavoir public ouvre, c'était un talk show satirique et qu'on jouait vraiment dans des laveries automatiques à Lyon. Donc c'était une fois par mois dans une laverie automatique sur un sujet politique. Et moi j'intervenais sur une petite pastille visuelle qui était conçue presque comme du dessin de presse, c'est-à-dire bricolée en une journée. Voilà. Oui, il y a déjà ton style qui arrive, c'est-à-dire on a déjà des choses qu'on retrouve, des tableaux détournés, des collages de choses comme ça. C'est, oui. Il y a déjà ça de présent. Et il y a quelque chose d'autre qui est important. Alors, pour ne pas faire de bêtises, j'ai mis ça ici. Normalement, je l'ai là. Ça m'a été donné par... je dois l'avouer, heureusement qu'il est là, c'est Francis, qui m'a dit, mais si, je te promets, elle est là. Bon, d'accord. Donc j'ai regardé, et en effet. Donc, le nouveau conseil d'administration des sociétés de réalisateurs de films, d'ailleurs, réalisateurs, c'est difficile de dire société de réalisateurs-trices de films, mais en tout cas, là, il y a quelque chose à faire. Co-président, pareil, Marie Amachoukeli, j'arrive à prendre, Bertrand Bonello, Christophe Rugia, il y a Alice Diop, Céline Sciamma, en trésorière, il y a pas mal, et en plein milieu, on voit Virginie Keaton. Et Francis, tu me disais, c'est peut-être la première et la seule réalisatrice d'animation, c'est ça, à être à la Société des réalisateurs de... Bah moi, je ne le savais pas encore, c'est parce qu'on s'est croisés il y a peu de temps avec Virginie à une soirée comme ça chez Miyu Productions, pour ne pas les nommer. Et Virginie nous dit, mais je suis rentré à la SRF. Et c'est vrai que depuis longtemps, bon, c'est pas forcément l'image de marque de la SRF jusqu'à présent, effectivement, pas autour de l'animation. C'est vrai que c'est une structure qui est portée donc depuis juste l'après 68 par les gens de la prise de vue réelle, que ce soit fiction ou documentaire, que c'est aussi un lieu où le court métrage est mis en avant, puisqu'il y a un délégué au court métrage, que Brive donc vient porter l'accent sur le moyen métrage, puisque Brive est une des deux manifestations organisée par la SRF, hein, l'autre c'est la quinzaine à Cannes, et donc comme ça c'était quelque chose d'assez surprenant d'apprendre de la bouche de Virginie qu'elle venait de rentrer à la SRF, sachant que la SRF ces derniers temps effectivement entre les gens qui étaient à la coprésidence, donc là maintenant c'est Marie Amachoukeli qui y est, on sait que Marie elle a un projet de long métrage, qu'elle a déjà fait un cours d'anime, ou que des gens bah, évidemment comme ancienne coprésidente comme Céline Sciamma ou comme Pascal Ferrand ayant participé au scénario de Ma vie de courgette ou de La Tortue Rouge, il y a comme ça quelque chose qui commence à se faire. Et dans l'école de la SRF, il y a eu une table ronde d'animation animée par Maria Machoukeli, où il y avait entre autres Claude Barras, Céline Deveau. Donc il y a en ce moment comme ça quelque chose qui a l'air de bouger un petit peu. Et toi, alors en arrivant là, quelle est ton envie? Est-ce que, finalement, je vais tourner ma question autrement, puisque finalement je vais poser une question, c'est est-ce que les réalisateurs d'animation ont, puisqu'on parle justement de militance, d'engagement, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un désir comme ça de se regrouper, puisque il y a un petit peu ce côté geek quand on veut être un peu péjoratif, solitaire et artisan quand on veut être positif, est-ce qu'ils ont envie de constituer comme ça, comme l'ont fait à un moment les producteurs avec le collectif, une force pour être pris en compte, et que peut-être la SRF c'est un des endroits où le travail de réalisateur, l'engagement du réalisateur est pris en compte? Alors précisément, en fait, la raison pour laquelle j'avais envie d'être présente à la SRF, c'était pour ça, c'est-à-dire c'était de se définir avant tout comme réalisateur et avec un désir de cinéma avant tout. Je pense que les gens de l'animation s'organisent autour de leur technique qui est l'animation, mais je sais pas si on parle d'autre chose que de ça, si on parle de cinéma, si on parle de même de questions politiques ou de questions artistiques. Et je pense aussi qu'il y a peut-être un petit sentiment d'infériorité de la part du cinéma d'animation qui se pense pas comme étant dans la cour des grands, comme s'il y avait une hiérarchie ou une catégorisation des genres qui n'en sont pas d'ailleurs. Et donc là précisément, c'était après ce constat-là, et entre autres après dans certaines commissions au CNC où je me rendais compte que parfois l'exigence baissait d'un cran dès qu'il s'agissait de parler d'animation, comme si on attendait beaucoup moins d'un film d'animation en termes artistiques, en termes de production de pensée. Et je me suis dit que c'était à nous de l'animation, gens de l'animation, qui devions venir s'ouvrir vers le cinéma et te dire qu'on avait un désir de cinéma et qu'en aucun moment c'était les autres qui allaient venir nous chercher. Sachant que quand je me suis présentée à la SRF, ça a été, j'étais accueillie très rapidement et très facilement, et qu'en fait ils étaient assez demandeurs de ça. On peut pas leur demander de défendre quelque chose si nous-mêmes on dit pas qu'il y a quelque chose à défendre. Et du coup, je pense que c'est très important aujourd'hui que les animateurs, enfin que les réalisateurs de films d'animation, pour ceux qui en ont envie, en tout cas on se définit comme on veut, hein, mais pour ceux qui ont un désir de cinéma, viennent justement parler de cinéma et pas parler seulement d'animation. Et viennent se regrouper de ce genre d'organisation, par exemple. Voilà. Ça c'est passionnant. On en parlait juste un petit peu avant, Francis. Je pense que c'est toute une chose. Maëlys, évidemment, vous pouvez réagir chacune par rapport à ce que dit l'autre, bien évidemment. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'en effet, se rendre compte que pendant longtemps, on était dans notre petit coin, en effet, à Annecy, dans les festivals comme ça, dire oh, les autres sont pas gentils avec nous, pour peut-être se rendre compte qu'il faut qu'on prenne. Je sais pas si le mot destin est un peu trop fort, mais en tout cas, il faut qu'on commence à se dire, après tout, il faut que nous-mêmes, on se bouge un tout petit peu et qu'on dise aux gens que oui, on fait du cinéma, qu'on a envie de traiter de sujets sérieux, enfin, on a envie de faire des choses et de pas forcément attendre que Cannes, Berlin, enfin, des choses comme ça nous accueillent en disant c'est bien, mais qu'on aille vers eux en disant, mais regardez, on est aussi sérieux, quoi. Enfin, bah, complètement. Maëlys, et puis ouais. Même se montrer. Enfin, là, quand tu disais qu'on se sentait inférieur, en fait, on nous met dans une position inférieure, mais moi, ce que je vois dans nos équipes, dans le cinéma, en tout cas long métrage, on se sent pas inférieur. Au contraire, on fait des films où on a envie de les pousser jusqu'au bout. Par contre, on nous met réellement des bâtons dans les roues, et ça, on le sent pour certaines actions qui se passent entre personnages, parce que finalement, même si c'est axé pour un public adulte, il faut pas faire ci ou ça, il faut pas trop heurter le public, il faut pas faire trop de... ou un mort, j'allais dire trop de morts, mais c'est même pour un mort, c'est dur. Faut pas trop le montrer, faut pas de sang, pas de, enfin bon, plein de trucs qui peuvent être choquants pour le spectateur, même des blessures ou des choses comme ça. Et donc ouais, c'est ça qui nous freine aussi, et c'est les organismes qui subventionnent, les distributeurs, les tout ça. Ouais, c'est en interne dans tout ça, là, toute cette arborescence, t'as envie de faire germer des petites graines pour dire non, mais peut-être que les spectateurs, ils ont envie qu'on aille plus loin. Ils ont envie qu'on fasse les choses, parce que nous, on s'en sent la capacité, on s'en sent l'envie et l'écriture et tout ça, mais voilà. Est-ce que c'est pas toujours comme ça? C'est-à-dire qu'est-ce que on nous a mis pendant longtemps dans une case? Moi, je dis souvent, c'est le petit frère qui est la prise de vue continue, parce que l'animation est née avant, qui est le grand frère, et puis ce frère a dit non, écoute, c'est moi qui m'occupe de plein de choses, toi tu restes dans ton coin, et que finalement. Malgré, on l'a accepté, on s'est mis dans un coin, on a créé nos festivals pour se montrer ça entre nous, on s'est créé, enfin voilà, on a créé entre guillemets, j'aime pas ce mot ghetto, il y en a des tellement plus forts et des tellement plus durs qu'on va pas non plus, voilà, mais on s'est créé ça, chacun dans notre coin, puis finalement, ben, chaque année on se montre, ah, t'as fait quoi là? Ben, moi j'ai fait ça, etc. Et c'est là où peut-être, même si ça va être dur et même si les premiers vont peut-être se faire écorcher, on va être blessé parce que ça va être compliqué de sortir de ça, mais qu'il va falloir en effet. Voilà, qu'on pousse un petit peu plus, quoi. Bientôt, je sens que ça va être ça va être le passage en force, en fait, parce que les nouvelles générations, là, c'est un peu comme tout ce qui se passe avec les anciennes mœurs et puis les nouvelles mœurs, mais voilà, on avance avec un vécu, puis les nouveaux qui arrivent, pour eux, c'est normal de faire tel ou tel truc, et là, ils commencent à baigner dans une culture de cinéma d'animation plus adulte, etc. Ils vont pas accepter qu'on leur fasse faire du preschool ou je sais pas quoi. Enfin, donc, par la force des choses, je sais pas, j'espère qu'il y a un bouchon qui va péter. Oui, Virgile. Oui, puis je pense aussi que l'animation, actuellement, on en trouve aussi de plus en plus dans d'autres formes de monstration, comme dans l'art contemporain. Et du coup, ça la revalorise. En tout cas, l'animation artistique, exigeante, créative, elle a toujours existé, mais elle a été présentée souvent pour des gens qui étaient un petit peu à part, ou enfin, qui allaient voir, qui étaient déjà des gens qui connaissaient, qui regardaient un petit peu dans un entre-soi ce genre de choses. Ce qui fait que ces films-là, on les connaît pas. Enfin, il y a des gens comme George Fitzgebel, dont je ne sais jamais dire son nom tout à fait bien. Très bien, c'est si bon. Ça va. Oui, bon. C'est quelqu'un qui devrait être reconnu beaucoup plus fortement que là où il est connu. Aujourd'hui, le fait que l'animation se retrouve justement dans des formes, sans doute aussi sur Internet, mais aussi dans de l'art contemporain ou dans des formes d'installation ou dans des formes de mapping, choses comme ça, permet de rendre visible la créativité, l'étendue des possibilités de ce médium. et du coup de rendre aussi curieux des gens qui ne seraient pas allés voir. Et le fait aussi qu'il y ait de plus en plus de courts-métrages d'animation qui sont dans des festivals de cinéma généralistes et des grands festivals comme Cannes, comme Berlin, où on en voit de plus en plus, et qui ne sont pas des petites pastilles mais des films exigeants à part entière, je pense qu'on est en train de former l'œil du spectateur, en tout cas. Ouais. Puis finalement, ce qu'on appelle nouvelle génération aussi de réalisateurs, de réalisatrices, justement de prise de vue continue, qui s'intéressent. On parlait de Céline Sciamma, par exemple. Je sais que Pascal Ferrand, Michael Ludoc de Witt, disait à quel point elle était émerveillée de voir les storyboards, et disait, oh, vous avez ça, vous pouvez faire le film avant. Mais nous, on n'a pas ça, mais c'est extraordinaire d'avoir ça. D'avoir des gens comme Bertrand Mandico, qui sont quand même, même s'il y avait la prise de vue continue, mais qui a quand même baigné dans l'animation, enfin, etc. Donc je pense qu'il y a un regard, c'est horrible ces mots, tellement la mode hybride, mais en tout cas, il y a un regard, je pense, qui est des deux côtés. Et je pense que de plus en plus de gens aussi de l'animation sont intéressés par faire de la prise de vue continue. Enfin voilà, il y a. Mais parce que je pense aussi qu'on est de moins en moins un métier de spécialiste. L'animation, elle devient beaucoup plus domestique à faire sur son ordinateur, en solitaire. On a moins besoin d'un apprentissage rigoureux et parfois laborieux du dessin image par image avec un banc de titres, etc., qui nécessitait à la fois un vrai savoir-faire, une vraie technique et de l'argent, enfin une technique très précise. Aujourd'hui, on peut bricoler. Enfin, moi, j'ai commencé à faire de l'animation en n'ayant jamais ouvert un logiciel d'animation et en faisant ça n'importe comment dans chez moi. Enfin, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Donc, je pense qu'aussi ces passerelles-là, elles sont beaucoup, elles permettent de tester d'autres choses. Ouais. Je pense que c'est ça qui est fascinant, on en parlait, c'est de savoir aussi que peut-être qu'il va falloir à un moment donné arrêter de dire festival d'animation, parce que vous faites visiblement, vous avez un discours qui est super passionnant, assez proche, vous faites du cinéma qui n'est pas le même pourtant, et il y a des gens qui vont faire, et en fait, il y a plein de gens qui se retrouvent dans des festivals d'animation qui font pas du tout, comme tu disais, le même métier que les autres, et que finalement, va falloir arrêter de dire je fais du cinéma d'animation, mais dire ce qu'on fait. Mais c'est ça. Comme cinéma, quoi. Comme style. J'allais rajouter un truc, en fait, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, mais sur les trucs plus créatifs, etc. Moi, je suis une fervente, amatrice de tout ce qui se fait, et puis j'aime en faire aussi un cinéma particulier, et vraiment artistique, etc. Mais en fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est ce partitionnement aussi. D'un côté, t'as le film d'animation. Comme ça, enfin, grand public, etc. Puis d'autre côté, le cinéma. En fait, moi, je trouve qu'il y a aussi trop de séparation entre ces deux mondes. Et moi, je le vois intra-studio parce que, je citerai personne, ça va être compliqué, mais qui viennent d'écoles de réalisateurs, de machins, etc. Et des techniciens de l'animation qui ont pourtant un background et un bagou et un machin aussi assez, assez affirmé, prononcé, qui n'est pas de moindre niveau que les personnes qui viennent du court-métrage, etc. Et il y a une vraie guéguerre entre les deux milieux et c'est très compliqué. Et je pense que ça a été nourri, ça, par cette ascendance du film en prise de vue continue, les Cannes, les machins et tout, comme on n'arrivait pas à percer là-dedans, et quelque part on a eu tendance à vouloir aller, pas vouloir aller, parce que je sais que chaque réalisateur a un désir très particulier artistique qui lui est propre, donc ça c'est très bien, mais peut-être se cloisonner aussi dans un truc qui est pour pouvoir être accessible à tel ou tel caste, enfin je sais pas, c'est une question que je me pose, mais en fait je me demande pourquoi il y a autant cette guéguerre entre les deux milieux, et moi je trouve que en fait pour chaque histoire on devrait avoir le choix du médium, en fait, et ça peut être n'importe quoi, mais bon, bah nous on a grandi avec le dessin, l'animation, etc., donc on le fait avec ce qu'on aime et ce qu'on sait faire, et bon voilà. Je vais laisser, parce que j'ai envie de vous dire quelque chose, mais ce qui se passe, c'est peut-être un peu prétentieux, c'est pas parce que c'est but le rêve, mais voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'enfin, peut-être qu'on peut commencer aussi à avoir des débats à l'intérieur du monde de l'animation sur ce genre de choses. Et ça serait passionnant. C'est-à-dire que si plutôt que d'aller les avoir uniquement à l'extérieur, ou si on arrêtait d'avoir juste des réunions sur les making-of, ou sur comment on fait des cheveux dans tel logiciel ou tel truc, et qu'on commençait enfin à parler de sujets comme ça, justement, et débattre, ça commencerait à devenir encore plus passionnant. Non, mais je voulais surtout pas parler de faire de hiérarchisation ou de catégorisation à ce niveau-là. C'était vraiment. C'est ce que j'ai dit. Ouais, non, bien sûr, mais je voudrais. Enfin, justement, il n'y a pas de. Au contraire, cette pluralité-là, on en a tous envie. Enfin, j'espère qu'on en a envie. C'est vraiment en termes de visibilité où je trouve qu'il y a quand je parlais d'animation créative ou un peu plus expérimentale, c'est vraiment en termes de visibilité, parce que on sait qu'un film, un court-métrage, ça va être entre un an et deux ans, entre le moment où c'est écrit et le moment où c'est réalisé, et finalement il a un an de vie en festival, et puis après c'est mort, il n'y a plus rien, enfin, ah oui, et c'est d'une tristesse absolue. Enfin, je pense qu'il faut aussi imaginer ça, comment est-ce que le court-métrage peut être diffusé ensuite, parce que le court-métrage il n'existe plus. Et quand je parlais justement de ces films-là en particulier, c'est que je pense que leur champ de visibilité est encore plus restreint et s'adresse encore plus à un public restreint, quoi. Enfin, justement, qui n'est pas ouvert. C'est sur ça que je trouve que c'est dommage. Je pense que, alors, ouais, je sais, mais je peux pas lui donner la parole parce que je me doute que Francis. J'ai rien à dire, moi. T'es sûr? Je suis persuadé. C'est très intéressant, cette idée des écoles aussi, absolument passionnante, puisque je pense que les écoles sont devenues elles-mêmes, et je le dis souvent ici à ce micro, un peu des marques, qu'elles ont joué énormément, les Gobelineux contre les gens de la Poudrière, les gens de l'MK contre les gens de l'ENSAD, et qu'elles commencent à jouer là-dessus aussi pour récupérer les gens, et que, heureusement, c'était plus compliqué, et qu'il y a 20 ans, 10 ans au Gobelin, c'était différent d'aujourd'hui, et que la Poudrière, bien évidemment, quand je parle des Gobelins, la Poudrière aussi, il y a 10 ans, était complètement différent. Il y a 10 ans, aujourd'hui, enfin voilà, il faut savoir qu'il y a des gens là dans la prochaine promotion à la Poudrière. J'espère qu'on en reparlera ici même. Il y a quand même une réalisatrice qui a notamment obtenu le grand prix au Festival de Rennes, donc Lorraine Brébant, qui rentre de nouveau à la Poudrière. Donc, alors qu'elle a un parcours déjà de court-métragiste, elle rentre de nouveau à l'école. C'est un peu fou ce qui est en train de se passer dans le monde de l'animation. Il y a des choses positives, d'autres un peu plus difficiles. Mais en tout cas, c'est assez passionnant, et je pense que, oui, je pense qu'enfin on va pouvoir commencer à parler cinéma. On va faire une petite pause musicale pour vous aussi, même si c'est toujours un peu compliqué pour moi à faire des pauses musicales quand les débats sont intéressants. Je me dis, mais on va faire. Je pense souvent ces deux chansons, mais il a fait tellement de chansons que j'aurais pu choisir dans tellement de styles, mais ça l'aime parle à chaque fois. On va écouter juste hein, quand il dit à un moment donné, moi ça marche toujours. Hop, je vais la retrouver. C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages. Ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habités. Et c'est d'être habités par les gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. Vous aurez peut-être compris pour certains, c'est la balade des gens qui sont nés quelque part, de Georges Brassens. On écoute et on revient juste après. C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité. Et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, les porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher qui vous montre leur tour, leur musée, leur mairie. Vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Le sable dans lequel douillettent leurs autruches, enfouissent la tête, on trouve pas plus fin. Quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs baudruches, leurs bulles de savon, c'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rend jaloux tout le monde, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance. Ils plaignent de tout cœur les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence, la présence d'esprit de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune, et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie se révèle en toutes circonstances, si vous n'aviez tiré du néant ces jobards. Preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Radio Libertaire, Bulle de rêve, bien sûr, 100% cinéma d'animation. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur terre, sur la terre des hommes, si on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune et qui partout foisonne, les races des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie serait belle en toutes circonstances si vous l'aviez tiré du néant tous ces jobards. La preuve peut-être, bien sûr, de votre inexistence. Je suis désolé pour les mots de Brassens que j'ai écorchés de manière terrible. Évidemment, c'est ça qui est bien avec Bulle de rêve, mais vous n'êtes pas là. Et en fait, le débat continuait hors micro, hors antenne. Mais c'est ça qui est, intéressant. Maëlys, donc tu as commencé à l'EPSA, ensuite l'animation au Gobelin. Et tu travailles à la fois sur des choses dont tu nous l'as expliqué, donc des longs métrages, surtout des longs métrages finalement, assez peu de courts métrages, mais on sent que tu travailles sur beaucoup de choses très personnelles. Est-ce que cet équilibre est très important pour toi de pouvoir avoir les deux? Complètement, ouais. Enfin, en plus, à la base, j'avais plus un univers personnel que j'avais envie de développer, etc. Et faire mes films. Bon, voilà. Je pense que, en fait, à la sortie de l'école, etc., j'étais pas tout à fait prête, pas tout à fait mûre dans ce que je voulais raconter, tout ça. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'étais à la rencontre de projets, en fait. C'était vraiment ça. Et puis, voilà. J'ai jamais été rassasiée et j'étais tellement satisfaite dans mes positions, de storyboardeuse ou autre. Enfin, ça m'a complètement accaparé toute ma créativité, parce que c'est vraiment la mise en scène, on doit penser à tout, et puis on réécrit aussi beaucoup, là par exemple sur Quelle Amitié, c'est gorgé de débats et de choses, c'est très complexe, c'est vraiment très complexe, mais c'est hyper intéressant, et c'est ce qui va être, moi ça fait partie de mon engagement militant aussi, mais à qui j'ai envie de parler, je me suis posé ces questions là aussi, et en fait moi le premier truc qui m'est venu après avoir pas mal réfléchi politiquement, etc., c'était l'éducation, les enfants, comment arriver à parler aux enfants de choses philosophiques et graves sans leur faire des leçons de morale, etc., comment leur aborder des sujets plus ou moins graves, mais en tout cas arriver à les éduquer par l'image autrement. Et en tout cas, avec Rémi et notre petit collectif avec qui on a fait Tout en haut du monde et là, Quelle Amitié, c'est vraiment quelque chose vers quoi on veut tendre, en fait, et peut-être de plus en plus et de manière de plus en plus affirmée, je l'espère. Et donc voilà, du coup, je me suis retrouvée là-dedans, et en fait, je me suis complètement pris au jeu de ça, et c'est comme si j'avais des tables rondes permanentes et nourries de plein de créativité, de ça. Et du coup, ce que je fais à l'extérieur, ça en est pas moins important. Ça prend parfois plus de temps parce que du coup, ça m'accapare beaucoup les longs métrages. C'est épuisant, c'est le cas de le dire. Et du coup, d'ailleurs, faute de budget aussi, on trouve encore plus. Donc, je continue complètement à côté, que ce soit de la peinture murale, du volume, les courts-métrages, etc. Ça prend son temps, c'est à son rythme. Enfin, moi, je pars du principe aussi que je suis partisane du ralentir, en fait. Et je trouve que tout va vraiment trop vite. On avait même une idée avec les potes de faire une boîte, un film tous les 10 ans, alors que c'était un peu la norme il y a quelques années encore. Mais maintenant, on fait un film en 2 ans et c'est plié. Enfin, c'est juste assez hallucinant. Et peut-être avec moins de gens, mais travailler plus longtemps, pouvoir oser des choses plus assumées, plus tranchées. Et c'est compliqué. Moi, je continue de penser que quand même dans le court-métrage et tout, c'est l'endroit le meilleur pour arriver à faire ces choses-là. Je ne vous ai pas posé une question parce que je me suis posé la question en regardant, en regardant vos films et puis sur lesquels vous avez participé ou des choses personnelles. Est-ce que le fait, on sait que c'est encore compliqué, on a souvent parlé ici d'être une femme, alors peut-être un peu moins dans le court, Virginie, tu pourras nous en parler, mais dans le long, tu l'as dit tout à l'heure, c'est encore compliqué déjà d'avoir, enfin on a quasiment aucune femme réalisatrice seule, d'anime. Là, il va y avoir une co-réalisation sur les Hirondelles de Kaboul, mais il y a aussi, encore une fois, une réalisatrice connue de l'autre côté. Donc voilà, mais c'est encore très très complexe. Pareil, quand on regarde les séries, c'est très rare d'avoir. Alors que bon, on pourrait penser réalisation que. Réalisation de série, d'ailleurs. Réalisation de série, hein. Je suis pas hyper au fait de ça, mais il me semble pas qu'il y en ait quasiment beaucoup, pas. Hein. Pourtant, on a l'impression que ce soi-disant vieux discours stupide de il faut un homme pour tenir ses équipes et devrait être passé depuis très longtemps et on devrait être derrière. Mais même à des postes moindres, en fait, même en décorateur sur des longs métrages, etc. Enfin, décoratrice. Mais il y a pas mal de postes, en fait, qui sont restés assez compartimentés. Ouais, comme ça, et puis où il y a plus de mecs et plus de filles à d'autres endroits, plus à des postes d'assistanat, machin. Enfin, ça réduit vachement ces dernières années. Hein. C'est plus que c'était il y a 10, 20 ans, 30 ans et que sais-je. Mais en tout cas, oui. Mais c'est un combat, toi qui te paraît évidemment toujours important. Ouais, storyboard des réalisations, d'ailleurs, c'est des deux trucs où ben, là, les amis, qui, même réalisateurs qui cherchent à faire de la parité sur leurs projets et qui cherchent des réalisatrices pour leurs films, ben, c'est pas simple. Enfin, faut pas hésiter. Ben, aller aux sorties d'école, les nouvelles générations, voilà. Enfin, pas pour les sous. Hein, là, je parle pas de ça, mais parce que il y a peut-être plus de filles qui vont oser plonger là-dedans maintenant. Parce qu'une fois qu'on s'est lancé, c'est un peu dommage d'ailleurs dans ce métier. Moi, je suis une grande polyvalente de vouloir, quoi, parce que j'aime ça. Mais une fois qu'on est lancé sur une technique en particulier, pour arriver à se transférer dans un autre compartiment, c'est très dur. On va revenir là-dessus par rapport à ton parcours, justement. Et je me demande si c'est pas structurel de l'animation qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'avant, pouvait, Émilie Mercier par exemple, enfin, des gens qui donc, sont un petit peu plus âgés, qui sont là depuis un peu plus longtemps, disaient qu'on pouvait passer sur plein de postes dans l'animation il y a 20-30 ans et que maintenant c'est quasiment impossible. Enfin, souvent on a un label en disant storyboardeuse ou créatrice graphique. Même en faisant pas mal de choses différentes, maintenant je suis cataloguée storyboardeuse. Ouais. Donc je suis pas que ça, mais bon. Mais pour beaucoup, en tout cas, voilà, si on cherche une storyboardeuse, on va aller vers toi. Et ouais, en même temps, ça me paraît logique au vu de tout ça, mais c'est vraiment. Et d'ailleurs, quand je suis sortie des Gobelins, les personnes qui étaient venues au jury, etc., moi j'ai été pénalisée sur mon dossier, par exemple, on m'a dit c'est trop varié, on ne sait pas ce que tu veux faire. Je dis, qu'est-ce que je veux faire, en fait? En fait, je veux faire de tout, j'aime bien tout. Je suis pas arrêtée. J'aime beaucoup le layout aussi, posing, les machins comme ça. Enfin, mais de tout, vraiment de tout. Et voilà. Et là, ils attendaient voir un book décor ou un book storyboard ou un book couleur ou un book design de personnage. Et c'est tout, quoi. Et après, voilà. Toi, Virginie, ce côté. Femme, alors je pense dans le court-métrage, est-ce que c'est quelque chose qui te paraît important de combattre ou... Enfin, ça peut pas paraître important, mais est-ce qu'il y en a vraiment besoin ou pas, à ton avis, dans le... Dans le court-métrage en animation, je me rends pas vraiment compte. Enfin, c'est pas aussi... Alors, c'est très visible dans la production. Souvent, les femmes sont à des postes d'assistante ou de chargée de prod, et puis voilà, ça, c'est plus visible là. Après, moi, je sais que, par exemple... J'ai l'impression qu'il y a, même en court-métrage d'animation, je pense que c'est sans doute un des secteurs où il y a le plus de parité, sans doute, même beaucoup plus que dans la fiction, la prise de vue réelle. dans les écoles d'animation. Enfin, je pense là, par exemple, là, aux Arts Déco, c'est 80% de filles. C'est souvent après, en fait. La disparition vient à un moment donné, il y a quelque chose d'étonnant. Ben, ça, quand on passe à du long, quand on passe à des... Ouais, c'est ça. Plus, tu te dis, où sont-elles? C'est assez impressionnant. Ouais. Dans les étudiants, les étudiantes sont très nombreuses. Et par contre, elles courent, ça devient comme une parité, alors qu'on a l'impression qu'il y en a plus... Ouais, mais je pense que c'est ça. C'est-à-dire que ça, du coup, ça se joue à des niveaux plus hauts, de longs métrages ou de séries, ou dès qu'il y a des choses un peu plus importantes financièrement aussi, ben... C'est les hommes qui sont minoritaires à la base dans cette profession qui arrivent à avoir majoritairement ces postes-là. Parce que quand je regarde ton parcours, en effet, c'est que des hommes réalisateurs avec qui t'as travaillé. Sauf les Rénales de Kaboul. Oui, bah oui. Qui est le seul, a priori, ouais. Et oui. D'ailleurs, j'allais dire que c'est des réalisateurs qui ont vraiment très envie de voir aussi des réalisatrices. Ouais. Enfin, Rémi Chaillet, avec qui je travaille, me pousse corps et âme à la réalisation. Et on commence à me le proposer à côté, mais avant de se sentir vraiment légitime de faire un long métrage. Parce que là, c'est une question que qui est importante aussi, se sentir, c'est nous aussi, mais c'est pas simple. Il y a toute une armada de choses à pouvoir tenir entre les mains en face, tous les problèmes de production, de coproduction, parce que alors ça, quand on a ce qui se passe là, c'est ce qu'on disait sur les films tout à l'heure, mais on a géré plein d'équipes autour à travers le monde, La Réunion, machin, enfin comme c'était pas assez pour Adama. C'est des choses, il faut se dire je vais y aller, j'ai le courage, on va écouter ma petite voix même si elle porte pas beaucoup, et puis faut s'imposer. Moi je le vois dans les discussions, même avec des personnes très averties et des réalisateurs et des collègues masculins, même si je suis très écoutée et je fais partie de celles qui ont le plus de chance par rapport à ça, parfois c'est pas facile de se faire entendre vraiment. Peut-être c'est l'intonation, peut-être c'est la manière de dire, je sais pas, mais en tout cas c'est assez récurrent. J'ai pas mal d'amis filles qui me le disent quand même, et on reste méfiante là-dessus. C'est s'imposer, j'aime pas le mot s'imposer, mais s'affirmer au niveau de la voix et de l'espace et du machin, sans qu'on nous traite d'hystérique ou de ouais, c'est une harpie, faut surtout pas bosser avec elle parce qu'elle dit trop ce qu'elle pense. Il y a encore ce genre de choses. Est-ce que par contre le fait d'être peut-être un modèle, peut-être que le mot est de forme, en tout cas voilà, de servir d'un seul coup et de pouvoir dire ben moi je l'ai fait, regardez les films sur lesquels j'ai travaillé, c'est important par rapport à justement la jeune génération. Est-ce que tu parles le plus possible à des étudiantes en disant justement ça a été dur, mais faut que vous battiez par rapport à ça, ouais. À fond. Bah d'ailleurs, moi, elle me scie, les étudiants et étudiantes, en tout cas actuels, mènent des combats que j'ai pas menés à l'époque, même si j'en ai mené un peu, mais notamment au Gobelin, tout le mouvement Velma, tout ça, tout plein d'étudiantes qui étaient à l'école et qui ont œuvré pour le mouvement Orange, le machin, bref. Qui était plus au fait de beaucoup de choses que nous. Oui, sur les droits, sur les... Elles m'ont d'ailleurs beaucoup plus éclairée là-dessus que moi, l'inverse. Moi, je peux apporter mon expérience, mais je réalise des choses aussi que ces dernières années, que maintenant, sur pourquoi... pourquoi, on n'accède pas à tel ou tel poste. Parce qu'avant, on se posait beaucoup moins la question. Là, depuis le truc MeToo et compagnie, ça devient de plus en plus flagrant et on commence à déconstruire vraiment nos pensées autour de ça. Et là, on se dit, ah oui, s'il y a des choses que je m'interdis de faire et que machin, c'est parce qu'en fait, à tel endroit, j'ai eu affaire à telle personne masculine souvent, et en fait, ça m'a dégoûtée ou je me suis pas sentie assez forte. Si vous avez l'occasion, regardez sur le... Elle doit être loin maintenant, malheureusement, avec la Poste, il y avait une rencontre absolument passionnante. J'en avais parlé ici au FICAM avec Céline Sciamma qui parle très... Elle était là d'ailleurs, on s'est rencontrés, qui était assez passionnante de la manière de parler de ça. Storyboardeuse, quand on est... Moi, ça m'a beaucoup amusé quand j'ai vu, quand on travaille avec Marc Osborne, Rémi Chaillet, Jérémy Clapin, donc des gens... Alors, parlons pas du côté masculin, mais des gens qui sont tellement différents. C'est quoi? C'est essayer de comprendre le cinéma qu'ils veulent faire. C'est d'un seul coup, quelqu'un va dire « Ah ben ouais, non, là, je suppose qu'un Marc Osborne va être peut-être un peu... J'en sais rien, tu peux venir à l'inverse, plus rapide. Enfin, voilà, il faut que ça soit un peu plus efficace que, je sais pas, un Rémi Chaillet. » Comment ça se passe? Bah, Marcus Bourne, plus rapide en tout cas, non. Parce que là, c'était, je crois qu'on avait 70 millions pour Le Petit Prince. Moi, là, ce qui me posait question, c'est qu'il m'est tombé entre les mains un scénario que j'ai trouvé génial. Parce qu'il mêlait l'histoire du Petit Prince. C'était une scénariste d'ailleurs, Irina, je ne sais plus comment elle s'appelait. Une anglaise, super. Mais elle avait fait une espèce de 1984 Brésil où elle mêlait ce truc-là avec la petite héroïne de la petite fille qui venait appréhender le monde du petit prince et avec un espèce de le businessman de l'histoire du petit prince mais qui s'est mis à voler les étoiles. Enfin, ça faisait écho en fait et qui le transformait en énergie pour sa planète. Enfin, qui pillait tout en fait. Ça faisait complètement écho moi à pas mal de combats et de choses que je voyais aujourd'hui et aussi retrouver la vision d'enfance. Tout ça. Et à chaque fois, moi, c'est surtout les thématiques que j'ai recherchées des films sur lesquels j'ai travaillé. Après, les réalisateurs, je ne les connaissais pas encore. Du coup, j'ai appris à les connaître. Et en fait, oui, ils sont complètement différents, mais en plus, ils sont de cultures différentes. Et, la culture américaine de Marcus Bourne et la culture de Rémi Chaillet, ce n'est pas du tout la même en termes d'économie ou de... d'économie, mais là, je parle vraiment dans l'animation. Hein, là, ils nous donnaient à faire, à refaire à foison des scènes qui marchaient déjà ou qui... Des fois, il y avait des problèmes de fond qu'il fallait retravailler, mais au scénario, et lui, il essayait de corriger. Mais c'est la méthode américaine. On fait refaire, et en allant vers le gag le plus possible. Donc ça, c'est le truc le plus ennuyeux, où on dit, mais non, mais arrêtez, en fait, c'est pas du tout le sujet, c'est beaucoup plus poétique. Enfin, bref. Là, on a toute une panoplie de nouveaux débats qui émergent. Mais... Ouais, c'est quand même... Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, là tu parles, il y a vraiment d'un seul coup quelqu'un qui va te parler d'un cinéma, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu le débat, mais c'est l'une des parties du débat qu'on a eu tout à l'heure, mais c'est ça, c'est-à-dire que d'un seul coup, j'imagine bien que, encore une fois, Simon Roubi, Jérémy Clapin, restons en France, c'est-à-dire qu'on ne parlons pas, mais quelqu'un qui a fait, Jérémy Clapin qui a fait l'ENSAD, par exemple, mais qui n'a pas fini non plus son cursus d'ailleurs, Simon Roubi qui a fait Les Gobelins, mais qui est parti à la CalArts, Rémi Chaillet qui est parti dans chose, qui a fait La Poudrière. Mais c'est vrai qu'ils sont tous complètement différents. En plus, d'ailleurs, Rémi, je trouve que lui, comme il a bossé en assistant réalisateur, etc., sur des films de long métrage, et qu'il a beaucoup travaillé avant d'aller à La Poudrière, comme technicien sur des films, il avait une vraie vision et une vraie. Il savait comment ça se passait au niveau de la quantité, de la qualité qu'on pouvait fournir dans le temps imparti. Chose qui est moins évidente chez les autres réalisateurs avec qui j'ai bossé. Simon, il sortait d'école et il avait besoin. D'ailleurs, sa vision rejoignait pas mal celle de Jérémy, mais c'est une vision très artistique, très organique. Qui veut pas de planning, qui veut pas de machin, et où c'est le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis en long métrage. En court métrage, c'est très bien. Et Jérémy Clapin, par exemple, lui, il me disait qu'il avait réussi à faire ses films sur son tout petit ordinateur pourri. Et j'étais sidérée. Je me disais, c'est génial. J'ai dit, mais là, sur le long métrage, ça va être compliqué. Et du coup, il a eu plein de questions là-dessus. Mon expérience lui a servi un petit peu, je pense, parce qu'il on a vachement échangé sur le sujet. Et notamment, le problème, c'est qu'on ne lui donnait pas d'assistant réel aussi là, sur son film. Et c'est une des choses clés essentielles sur un long métrage. Il faut absolument s'entourer de personnes qui peuvent nous alléger un peu la tâche sur certains points, même de décision, etc. Après, c'est par rapport à tout le mode de fonctionnement, comment on répartit les tâches, comment on pense un planning, et puis comment... Mais on est largement plus que le travail de storyboardeuse. Moi, je n'ai pas fait ça, mais après, c'est en question de conseils ou de... Enfin, nous, on apporte, de toute façon, à chaque personne à son niveau, décorateur, les Youtman, etc. On voit tous comment ça se passe sur une production, et plus d'années on a d'expérience sur ces films-là. Moi, j'ai souvent été en plus dans les open space juste à côté des producteurs, mais même sur Le Petit Prince, avec la grande productrice qui était la productrice de Titanic et tout, je l'entendais gueuler au téléphone, je voyais les financements, les matchs, comment ça se passait. Et en fait, tu vois aussi les points noirs et là, les lacunes, en fait, les trucs petit à petit, tu te dis, mais non, en fait, si tu fais ça comme ça, tu peux... Machin. Quand je parle à des gens, on me dit souvent qu'il y a beaucoup d'économies qui pourraient être faites. sur les longs, les séries notamment. En cours, c'est autre chose, mais les longs et les séries, parce que des fois, on se dit, mais ça, on n'avait pas besoin de le faire, ça, on refait quelque chose qu'on aurait pu prévoir bien à l'avance. Est-ce que là, il y a vraiment des économies? Et je sais que, par exemple, pour le second Rémi Chaillé, évidemment, vous avez appris du premier, donc d'un seul coup, vous pouvez retravailler différemment les choses. Normalement, alors, en tout cas, on apprend, hein, je veux pas alors, trop, ce mais... qui est génial, c'est que, moi, c'est ce dont je me suis rendu compte d'ailleurs là avec Alamity, c'est que pour un même réalisateur, quand on avance et qu'on fait, on fait de nouveaux films, et on a de moins en moins de subventions de possibles. Parce que voilà, c'est pas le premier film, ensuite il y a le second, donc t'as encore droit à quelques trucs, et puis après quand t'avances, c'est de plus en plus compliqué. Après, Rémi, sa force, c'est qu'il a mis en place avec nous tous un pipe et un quelque chose d'assez précis qui roule. Un pipe, c'est l'idée, voilà, d'avoir un chemin, une méthodologie, un style, quelque chose de rodé, même si on ne fait pas du tout les mêmes designs, on ne fait pas du tout les mêmes... il y a des ressemblances quand même par-ci par-là. C'est voulu aussi, parce que c'est devenu un peu sa ligne éditoriale, on pourrait dire. Mais bon, c'est le style de Rémi, quoi. Oui. Et donc, mais ça pourrait être décliné dans d'autres formes, en fait. Mais en tout cas, le pipe, la méthode fonctionne. Et... qu'est-ce qu'on disait déjà? Et on disait, alors en plus, je réfléchissais déjà à la question d'après, et donc tu m'as perdu, bravo. Non, c'était juste se dire que Francis t'a suivi un peu plus. Oui, mais je te laisse, c'est ton émission. Merci beaucoup. Ça, c'est un ami. Il y a une rancœur. Ça, c'est les Tears for Fears ne fonctionnent plus, ils sont séparés à un moment donné. J'étais par rapport aux... par rapport à l'économie, en fait, de moyens. Oui. Qu'on pouvait avoir, et tu disais que c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément, enfin, qu'il y avait moins d'argent qui était à un moment donné. Et ça devient de plus en plus compliqué. Et du coup, oui, là en plus, nous, notre thématique, là on se disait, ouais, avec Calamity, ça va être de grandes étendues, de machin, enfin, un peu comme là on parle de décor, hein, uniquement, parce qu'on pense non seulement au côté narratif et au fond de l'histoire, etc., à ce qu'on veut faire passer, mais à toute la quantité de travail que ça va représenter. Et là, on avait des banquises, etc., pour tout en haut du monde, c'était assez désertique et tout, et puis là on s'est dit c'est relativement la même chose, on a des grandes étendues, des plaines de l'Oregon Trail, enfin bon bref, c'est assez vide, c'est assez désert, mais en fait non, parce que plus c'est désert, plus il y a de personnages, et en plus là il y a un convoi, et du coup on a non seulement par rapport à tout en haut du monde, on avait un cheval. Là, on va en avoir 25, 30, je ne sais pas combien à l'image, dans plein de plans. On va avoir plein de chariots à gérer, plein de... En fait, ça devient... besoin de budget plus important. Ça dépend du film. C'est l'un des grands problèmes. Je me rappelle, ça avait toujours été... Je me rappelle, j'avais fait une rencontre avec Rémi Chaillé, justement, par rapport à tout en haut du monde. Et chose qui avait tout le temps un crève-cœur pour moi, c'est qu'il a montré une scène absolument superbe où elle est sur le bateau et une baleine juste sort de l'eau et retombe dans l'eau. Et en fait, on lui a dit, non, financièrement, on ne peut pas l'avoir. C'est une scène qui aurait permis une espèce de moment donné un peu autre, on va dire, dans le film. Et c'est vrai que le long métrage, on est obligé d'aller sur... Qu'est-ce que tu veux dire dans ta narration? Est-ce que c'est important? Et encore, c'est ce qui a été montré, ça. Ouais. Là, je pense que sur le nouveau, tu vas être vert, parce que là, moi, je suis... Autant j'avais beaucoup accepté la situation sur tout en haut du monde, malgré tous les crèves-cœurs comme ça, tout ce qu'on nous a arraché pour entrer dans le timing demandé. Mais là, dans le nouveau, c'est... Ce qui est terrible, parce qu'on pourrait croire qu'au contraire, vous avez acquis une certaine... On ne peut pas faire plus, en fait. Il faut que ça rentre dans 75 minutes. Je crois que c'est un tout petit peu plus que tout en haut du monde. Je ne sais plus si c'était 72 ou 60. Mais là, c'est 75 et on ne peut pas dépasser, c'est comme ça. Et c'est normal, on a un budget restreint. On essaye de pousser nos producteurs pour essayer d'aller chercher des nouveaux financements. Mais on dépend d'eux pour ça. Si on rajoute des minutes, il faut avoir conscience que ça va se répercuter à un endroit dans le film. Sur la technique il y a une chose, on s'est promis à la base de pas sacrifier, c'était le board, et là je suis en plein dedans, et en fait on a un temps à partie vraiment court et là on finit un peu sur les rotules, il faut le finir quand même. On va faire une petite pause, j'avais prévu Nicolas, chaque fois que j'arrive avec ma clé USB et mon truc, me dit oui, je sais très bien. J'avais prévu plusieurs choses. Je pense qu'on va pour l'instant passer, malheureusement. Peut-être que je le pèterai tout à l'heure, ça dépendra, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à dire sur The Garden, que je voulais enfin passer, Denzurzen Neubatten, que je n'arrive jamais à prononcer, dont j'avais passé un tout petit bout. Et en fait, on va passer alors, sous la vie, hein, c'est grâce à lui, donc c'est même lui. Est-ce que tu veux le présenter maintenant? On écoute le morceau et tu présentes après. On écoute le morceau, c'est mieux. On écoute le morceau. Après, il n'y a plus rien à faire. Donc on va écouter le morceau d'une... Hop, mon micro vient de tomber, qui s'appelle La Correspondance, et vous allez comprendre pourquoi, évidemment, avec Virginie Keaton, qui est tirée de l'EP, de Hippie, on dirait, de Valpower. Donc on écoute La Correspondance en radio-édite, donc elle est un petit peu plus courte, voilà, 4 minutes et quelques, et on revient après. Toujours Bulle de Rêve, toujours les discussions hors antenne, bien évidemment. On continue à parler et je vais laisser, parce que j'aurais dû laisser la parole à Francis Gavel. Oui, bonsoir, bonsoir, chers auditeurs de Radio Libertaire. C'est le moment longtemps, je me suis couché de bonne heure de Bulle de Rêve. Donc, on va parler un peu musique. En fait, on vient d'écouter, donc, comme tu le prononces si bien, un extrait de l'EP, donc, de l'Extended Play, de Valpower, donc, Pacific Peplum, qui était sorti le 2 juin de 2017. Alors après, je dis tout, moi, sous le contrôle de Virgin. Par rapport à Valpower. Non, mais, et moi non plus d'ailleurs. Loin de là. Mais effectivement, en fait, j'étais arrivé vers cet EP. Parce que c'était le travail qu'avait fait Valpower, bah, entre évidemment sur les films de Virgin, c'est comme ça que j'ai découvert quoi. Et je m'étais dit, il faut absolument que je découvre cette autre facette d'auteur-compositeur-interprète. Et je pense que cette EP, bah, voilà, est quelque chose comme ça d'un dance floor un peu minimaliste, d'un dance floor assez sentimental dans la belle acceptation du mot, une fragilité que moi j'aime beaucoup, et je trouve que cette chanson La Correspondance c'est comme ça sur ce moment d'accepter de se lancer dans un inconnu que va être la rencontre amoureuse de l'échange d'un regard, et que c'est magnifiquement fait sur une délicatesse, sur un arrangement minimaliste avec guitare, programmation, et comme ça, c'est quelque chose de très feutré et en même temps qui peut vous emmener très très loin. Et je trouve qu'elle a très bien réussi ça et que voilà les titres qu'il y a sur l'EP comme ça donnent ce sentiment qui va être finalement peut-être une manière aussi de la découvrir qui va être différente de ce qu'on voit dans les films de Virgin où en plus parfois il y a des collaborations. Moi c'est cette musique quand même de Mars Evans faite avec Mansfield Tia, c'est comme ça quelque chose qui est en perpétuelle évolution, qui gronde de plus en plus et qui prend une ampleur. Et quand on a la chance parfois de projeter le film dans des très bonnes conditions, comme moi ça m'est arrivé à la Cinémathèque française, où on peut reconnaître une chose, c'est que le son est absolument incroyable. Et d'un seul coup, comme ça, voilà, on a cette puissance musicale, sonore qui prend toute la pièce et qui du coup... porte l'image encore plus loin quoi, que l'écran, que ce que le réalisateur ou la réalisatrice a voulu mettre dans le propos, qui vient augmenter le propos quoi. Et voilà, et donc tout ça pour dire que bah voilà, Valpower est une des personnes que j'aime à suivre, et que cette EP on peut toujours alors se le procurer physiquement, j'en sais rien, mais on peut le télécharger dans une version digitale et qu'il faut pas s'en priver. Virgin, est-ce que tu es dans le cours, mais si il y a un mot que vient de dire Francis qui me paraît très important, c'est collaboration. J'ai l'impression que c'est la chose qui te suit énormément. Tu vas participer aussi à des pièces de théâtre. Il y a beaucoup de collaborations avec d'autres artistes. On a l'impression que vraiment c'est quelque chose. Il va y avoir les Marquises, Valpower. Il va y avoir donc aussi du Wagner pour jeune public avec le piano ambulant où tu as fait des choses. Il y a une pièce de texte s'appelle Les heures terribles et noires du royaume de Castille, l'affligeant secret des enfants perdus. On a l'impression que c'est important d'avoir cette collaboration, pour venir sur ce terme-là, avec d'autres. Oui, en tout cas, c'est quand même un métier qui est un grand jeu. Enfin, moi, j'ai l'impression de pas avoir changé ma vie depuis que j'ai joué au Playmobil et que j'ai continué à faire du film d'animation. Donc, plus il y a de jouets dans la malle, et mieux c'est. Il y a vraiment cette chose-là d'avoir envie de s'amuser. Et comme je suis pas en plus une spécialiste, puisque je n'ai rien appris, ça fait que j'ai le droit de tout faire. Donc en effet, j'ai vraiment le plaisir d'aller de rencontrer des gens, de rencontrer des projets, d'avoir envie d'aller voir ce qu'on peut faire avec ça. C'est quelque chose qui m'excite plutôt. Ouais. Si je te dis t'es une artiste audiovisuelle dans le sens complet du terme, c'est vraiment l'importance de l'audio est évidemment fondamentale dans tous tes courts-métrages. Ouais, complètement. Ouais, je pense que mes premiers chocs cinématographiques c'était le cinéma muet et l'audiovision justement. Ouais. C'est important. On a l'impression même que des fois il y a un travail en fait d'abord de clip. Mansfield Tia, c'est comme ça, il y a eu Dormir réveillé, les Marquises, il y a eu Vallée Close. On a l'impression que d'abord, alors, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un clip pour Valpower. Il y en a eu un qu'on a un peu caché, je crois. D'accord. Si je me souviens bien. Parce qu'il y a eu Mensch, c'est ça, c'est un groupe que... C'est le groupe de Valpower. Ah, c'est ça, ouais. Donc Swim, donc il y a quand même eu clip qu'on le voit un petit peu, cassé. C'est particulier, très coloré, ça change un peu du style de Virgin Keaton. Il y a cette idée-là, travailler sur un clip, que connaître déjà, je sais pas, le groupe avant, la musicienne, le musicien, et puis ensuite travailler ensemble sur un cours plus personnel. Non, parce qu'en fait, à part pour les Marquises, mais autrement pour Mansfield Tia et pour Val Power, ça s'est fait après avoir fait le film. En général, je rencontre plutôt les artistes parce que j'aime leur travail. On fait une première collaboration artistique ensemble sur un de mes projets, et puis ensuite, j'aime bien poursuivre le travail avec eux sur un clip. Voilà. Si je te dis, alors t'as le droit de dire, il y a une certaine, moi j'ai une certaine fascination pour tes films, ce qui fait que des fois, et notamment je crée Contre la vie pour elle, je sais que des fois je dis des critiques et j'ai l'impression de me ressentir complètement à côté de la plaque. Il y a beaucoup de gens qui vont très rapidement dans tout ce qui est mythe, mythologie, etc., etc. Et moi, je crois que je peux voir, je crée Contre la vie, je sais pas combien de dizaines de fois je l'ai vu, et à chaque fois je me laisse emporter par, oui, une pure fascination. Est-ce que c'est quelque chose qui t'embête si je dis ça, parce que t'as envie qu'il y ait beaucoup de choses derrière, ou ça, tu peux comprendre qu'on se laisse emporter par, ouais, par ces images? Bah, en fait, précisément, c'est quand même le travail que je fais marche de cette manière-là, c'est-à-dire que je travaille toujours avec des images qui sont préexistantes et qui sont des images populaires, que ce soit de la gravure, que ce soit de la peinture ancienne, et qui sont du coup déjà fascinantes par elles-mêmes, parce que chargées d'histoire, parce qu'elles appartiennent à notre mémoire visuelle commune, sans qu'on sache précisément d'où elles viennent, parce que je prends rarement des œuvres de grands artistes reconnaissables en tout cas, mais des œuvres qui sont issues de, qu'on a l'impression d'avoir déjà tous vues, mais que je reformule de manière nouvelle, puisque j'utilise jamais une œuvre telle quelle. Je vais vraiment piocher des fragments. Sur Je criais, il y a à peu près 200 gravures qui sont utilisées. Sur Marzévan, il y a à peu près 600 peintures qui sont utilisées. Sur Le Tigre, c'est à peu près dans ces eaux-là aussi. Et du coup, l'idée, c'est de reformer une image qui soit, qui va de soi, parce qu'on a l'impression de l'avoir déjà vue, mais quelque chose de fascinant, parce qu'elle porte déjà 1000 histoires avant. Et j'aime aussi travailler avec un excès il y a toujours un excès de matière dans mes films. J'aime qu'il y ait cette densité-là, parce que justement, on peut, l'idée, c'est d'aller vraiment mettre en mouvement le détail, mettre en mouvement l'intérieur de l'image. Et je suis avant tout fascinée par l'image. Donc oui, c'est que ce travail-là, en fait, qui est fait. Je me souviens que quand j'avais commencé Je créais Contre la vie ou pour elle, il y avait une phrase de Leroy Gourhan, issue du Geste et la parole, de l'anthropologue Leroy Gourhan, que j'aimais beaucoup, et qui disait à propos des hommes, « Il en est peu qui, à la première occasion, résistent à la tentation d'étriper la terre comme un enfant désarticule un jouet. » Et je crois que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, cette idée-là d'aller piocher ces images, les écarter au maximum et les pousser jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Il y a quelque chose de fascinant, par exemple, dans les mythes également, même si, par exemple, Antigone, on a beau connaître Antigone, on peut se le faire re-raconter et re-raconter et re-raconter encore, et on va en redemander une dernière couche. Et c'est pas pour l'histoire qui nous est racontée, c'est pour, parce que justement, ça porte beaucoup d'autres choses. Et cette fascination-là, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse dans mon travail. Ouais. Donc tout est entrelacé, il y a des choses qui vont être très, très, très travaillées, on va dire très écrites, sur des mythes, sur des livres, sur des choses comme ça, et puis d'autres choses plus instinctives. Les deux sont tout le temps entremêlés dans ta création. Oui, à peu près. Je pense que l'écriture, elle commence de manière très, très instinctive. C'est-à-dire que j'ai souvent des... Je pense que c'est pour ça que je travaille aussi beaucoup avec des musiciens, c'est que j'aime et dans la chorégraphie et dans la musique le fait qu'on se laisse aller à du sensible et qu'on ne décortique pas les choses. On ne demande pas à un musicien quel est le sens de sa chanson, de la même manière qu'on va demander ça à un réalisateur sur un film qui est peu narratif, on va vite lui demander quel est le sens de ce film, ce qu'on ne fait pas à un musicien. On ne décortique pas non plus le travail d'un chorégraphe. On lui demande pas pourquoi au mouvement droit de la jambe se succède le mouvement gauche du poignet. On accepte d'être dans un espace et dans un temps sensible dans lequel on se laisse porter. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a ni intention ni sens, bien évidemment. Mon écriture, je pense qu'elle se situe un peu à ce niveau-là. C'est une écriture qui est très instinctive. Il y a des images qui s'imposent, il y a des rythmes. C'est à la fois très précis et complètement désorganisé. Et c'est souvent ensuite, au cours de l'écriture, où je me laisse vraiment aller au gré de mes envies, de mes images. Et ensuite, petit à petit, j'essaye de comprendre ce que je suis en train de faire. Et très souvent, je comprends qu'en fait... je sais pas, par exemple sur Le Tigre de Tasmanie, je me suis rendu compte que je venais de lire Empédocle et qu'en fait j'étais en train de parler des écrits d'Empédocle dans Le Tigre de Tasmanie, mais je l'ai compris au moment de commencer le film. Donc c'est plus, je pense qu'il y a des va-et-vient, mais ouais, voilà. On peut dire que tu fais un cinéma très physique, c'est-à-dire que c'est un cinéma dans lequel on qu'on a presque, et c'est pas que la musique, ça pourrait être une évidence avec la musique, mais qu'on a envie de, je sais pas, dans Mars et Van, de se lever, d'aller avec elle, de traverser ces montagnes et... Ouais, je pense quelque chose de physique, mais même dans le, étonnamment, je travaille quand même sur l'ordinateur principalement, mais j'ai l'impression d'avoir un engagement du corps sur l'ordinateur. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui est de l'ordre de la comédie, entre guillemets, où on rejoue les scènes aussi, et que si on commence pas à y croire nous-mêmes, personne n'y croira. Donc tu perds pas, t'arrives à ne pas perdre la matière malgré ce travail beaucoup sur ordinateur, justement. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ouais. Mais du coup, ça, c'est parce que c'est vraiment de, c'est, je dis un terme qui peut paraître pas très valorisant, mais j'ai l'impression de faire des tartines, grosso modo. C'est-à-dire, j'empile des couches au maximum jusqu'à ce que, enfin, je cherche vraiment sur les films comment est-ce qu'on va faire les choses. Il y a aucun effet de lumière ou de test ou d'effet tout préconçu. Toutes mes lumières, ça va être de trouver des matières, de les empiler, de voir si je le passe dans telle opacité, que je le tire, qu'est-ce que ça va faire avec le derrière, etc. Et c'est une animation qui est très très basique. C'est sur le tigre de Tasmanie, par exemple, il y a beaucoup de matière, qui tout est en mouvement, il y a des laves, il y a des fumées, il y a beaucoup de grains, et en fait c'est que de l'animation très très basique. C'est simplement des superpositions, des jeux de fusion, des choses comme ça, et ce travail là qui est de l'ordre du jeu, et là pour le truc, un engagement aussi assez physique, justement. Ouais, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et la caméra est tout le temps en mouvement, souvent avec des travelling. Il y en a beaucoup dans les films, on a l'impression d'être toujours pris dans le film et que la caméra nous accompagne. Je sais pas si c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a les deux. Il y a le plaisir de se dire, tiens, j'ai découvert j'ai toutes ces gravures, tous ces paysages, j'aimerais qu'on rentre dedans. Et à la fois parce qu'il y a, et on en reparlera un peu sur les thèmes, mais il y a toujours une avancée, il y a toujours en tout cas comme j'ai appelé tout à l'heure, je trouve une déconstruction qu'on va avoir. Et comment ça se passe? C'est une évidence que la caméra doit être en mouvement tout le temps, ou c'est dès le premier storyboard et la première animatique, t'as ça, ou ça arrive au fur et à mesure? Non, c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte, mais c'est vrai qu'en fait, à chaque fois, c'est un voyage plus ou moins, ou une balade, ouais. Je saurais pas dire. Je pense que c'est j'aime bien arriver à installer un temps qui soit presque psalmodique, c'est-à-dire qu'il soit j'écris souvent, c'est que je préfère que mes plans soient trop longs que trop courts, c'est-à-dire que je préfère que le spectateur se mette dans un état pour éprouver. Donc les premiers plans sont toujours un peu trop longs et il s'y passe peu de choses. Et l'idée, c'est vraiment d'amener petit à petit le spectateur dans un rythme tout à fait particulier qui est celui du film, et d'amener à une forme d'acuité petit à petit sur l'image et sur ce qui s'y passe. Avec l'idée de rejouer. En fait, il y a assez peu de motifs dans mes films, il y a assez peu de choses qui s'y passent, il y a assez peu de décors. Et l'idée, c'est de rejouer encore jusqu'à ce que le détail devienne un événement, et que quand le cerf qui a couru et qui a recouru encore va avoir son genou. Je ne sais pas si on dit un genou pour un cerf. Si? J'aurais tendance à dire ça, mais je suis pas spécialiste. Son genou va se... Quand le genou du cerf va se briser un peu plus fortement que sur la marche, enfin que sur le cycle précédent, et ben d'un coup on va le percevoir. Et quand on a écouté là, par exemple, le travail de Val Power tout à l'heure sur la musique, c'était pour ça que j'ai envie de travailler avec Val, c'est qu'elle, c'était la même chose. C'est un motif qui était répétitif, qui se répète, et le moindre événement qui va s'y rajouter, un grattement de cordes différent, une nouvelle introduction d'un autre instrument ou quoi que ce soit, eh ben on le perçoit de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus accrue. Donc on est plutôt dans cette idée de répétition, on est plutôt sur quoi, du Steve Reich ou du Philip Glass, que sur Armand ou sur, ah sur oui. Ce genre de choses, oui. Oui, ben oui, je préférerais. Ouais. c'est l'une des bases. Comment on travaille cette répétition? Parce que c'est toujours très complexe quand on entend. En effet, chez Steve Reich, il y a une espèce entre guillemets d'évidence d'un rajout au fur et à mesure. Quand est-ce qu'on se rend compte de manière, encore une fois, est-ce que c'est instinctif ou très intellectuel, de dire ok, là ça va un peu trop loin, là j'ai envie de répéter encore une autre fois, là comment ça fonctionne? C'est complètement instinctif, ouais, je sais pas, c'est au ressenti. Après, c'est vrai que c'est des films qui sont à la fois très écrits au moment où je pars sur l'animation, mais en fait je retravaille mon animatique tout au long de la réalisation. En fait, j'évolue beaucoup parce qu'en plus, comme je suis dépendante d'une matière qui n'existe pas au début, à aucun moment j'imagine des décors, et ensuite je contraindrai la matière que j'ai trouvée, le corpus que j'ai trouvé, pour correspondre à l'image que je veux. Je vais d'abord penser mon film, qu'est-ce que je veux, je vais aller ensuite chercher mon corpus d'images qui va me servir à faire ce film. Je vais réécrire en fonction de ce que je trouve, de ce que je trouve pas, ou avoir des nouvelles idées qui vont naître de cette recherche. Et ensuite, je vais composer des paysages ou des décors, et je vais voir ce qui s'y passe dedans, mais je peux pas prévoir à l'avance. Donc voilà, tout au long de l'écriture, il y a vraiment ce... C'est ce que tu disais sur le court-métrage, ça permet vraiment... C'est vraiment un lieu où on peut se permettre d'expérimenter, de tester, de revenir. C'est assez confortable, assez chouette, ouais. J'ai fait l'inverse en préparant cette émission. J'ai commencé à regarder Le Tigre, Mars Evade, et je criais. Normalement, je fais le premier, le second, le troisième. Là, j'ai tenté de faire l'inverse avec un film qui est un peu plus long cette fois-ci, Le Tigre de Tasmanie, qui fait 13 minutes 20 à peu près, un petit peu moins. Le générique est un peu plus long à la fin. Mars Evade en faisait 8:45. Et je criais, contrario pour elle, 9 minutes. C'est quoi le début du tic? C'est vraiment donc ce Thylacine. C'est le nom latin, Thylacine. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est d'un seul coup d'avoir vu ces images du tigre de Tasmanie et de se dire, faut que j'en fasse quelque chose? Ou comment c'est quoi les débuts du film? Alors c'est vraiment ça, oui. J'avais vu donc cette archive de 1933 où on voit le dernier tigre de Tasmanie qui tourne en rond dans sa cage, sachant qu'il meurt 3 ans plus tard, en 36, et que quand il meurt, c'est le dernier. Et donc ce film-là, c'est vraiment le film de ce dernier animal qui disparaît à jamais, ancré dans une pellicule, et on peut rejouer sa mort encore et encore, et ses derniers cycles de marche. Et il y a quelque chose d'assez fascinant, parce que c'est à la fois une disparition, mais c'est à la fois une présence qui est en vie. On peut rejouer sa vie sans arrêt. Et il y a cette chose très mélancolique de voir un animal qui, a priori, a l'air d'être... doit être puissant. Enfin, on sent dans ce corps-là, c'est un corps animal puissant, et qui tourne dans cette petite cage avec du grillage, on dirait un poulailler. On a l'impression qu'il pourrait donner un petit coup de patte et que tout s'effondrerait, mais qu'il a renoncé même à faire ça et qu'il ne fait que tourner. Et voilà, donc c'était parti de ces images-là. Je savais pas, quand la première fois que j'ai vu cette archive, que c'était un tigre de Tasmanie et que c'était le dernier tigre de Tasmanie. Et pour autant, je présentais quelque chose d'infiniment triste, mélancolique, mais aussi quelque chose de puissant. Et c'était vraiment ça sur lequel je voulais travailler. Il est évident qu'on est qu'on assiste à une disparition d'un certain nombre de la nature, d'un environnement, etc. Mais j'avais envie de travailler aussi sur la puissance de cet environnement, de cette nature, de leur capacité aussi à se renouveler, cette capacité à être plus puissant qu'on ne le croit, et beaucoup plus moteur et beaucoup plus sujet qu'on ne le croit, et du coup de retirer l'homme de cette histoire-là, l'homme étant une anecdote au milieu de tout ça, mais voilà. On va revenir sur ça et sur les thèmes. Il y a une rupture qui est assez étonnante dans ce film-là. Il y a une rupture de ton qu'il n'y a pas dans les autres. Dans les autres, on a cette musique qui vient, et là, d'un seul coup, même 2-3 minutes, on a carrément une rupture presque abrupte. D'un seul coup, c'était pareil, c'était quelque chose qui était voulu, qui joue de ce côté tragique, moi j'aurais dit tragique presque, de ce tigre, de cette destinée. J'avais vraiment envie de prendre le temps au début du film de laisser tourner ce tigre, et on le voit longuement. Hein. C'est-à-dire, je crois que le plan dure quasiment... on a presque une minute, du tigre qui ne fait que tourner en rond. J'avais vraiment envie qu'on le donne à voir, et puis qu'on l'oublie complètement, qu'on passe à autre chose, et que quand ils reviennent à la fin, on se dit « mais oui, il était là enfin, !» Et qu'on puisse, en fait, les mouvements sur la scène finale, qui aussi dure une minute, je crois, même peut-être un peu plus longue, sur le plan final, c'est exactement les mêmes mouvements que ceux du début. C'est exactement les mêmes, mais je voulais que cette fois, ça devienne une danse. C'est-à-dire qu'on perçoive les premiers mouvements comme à l'ouverture du film, où on le voit dans sa cage, précisément comme... une marche contrainte, comme une impossibilité d'avancer, comme quelque chose de vain et d'enfermé, quoi. Enfin, ouais, voilà. Et puis, je voulais qu'à la fin, cette même marche devienne une danse gracieuse, et voilà. Il y a l'idée de... On peut dire maintenant, des fois, on veut faire les choses, mais c'est autant y arriver dès maintenant, la question. Il y a vraiment cette idée de... En tout cas, de destruction, de renouveau qu'on va voir dans tous les films. Et celui-ci, donc, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a cette mort progressive, cette destruction du monde, pour finalement avoir, avec toujours tes couleurs, que tu dis souvent ocre, enfin voilà, avec un peu les mêmes couleurs, et puis d'un seul coup, un renouveau, avec même, pourquoi pas, plusieurs tigres. C'est à la fois le même, et on a l'impression que ça pourrait être plusieurs. On a toujours l'impression qu'il y a un côté, très... J'allais dire pessimiste, non, mais en tout cas, voilà, il faut passer par là pour peut-être Ah, je ne sais pas s'il faut passer par là, j'espère pas, je ne le souhaite pas. Non, mais oui, je pense que... Moi, je parlais d'Empédocle, mais Empédocle, il y a vraiment ce... Ou chez les présocratiques, ou chez Lucrèce, enfin, il y a quand même ce travail, enfin, cette idée de cyclique dans la vie, de cette alternance entre l'unir, le désunir, le chaos et la vie, enfin, ce genre de choses, qui sont des thématiques, oui, qui m'intéressent assez... assez fortement, ouais, je pense. Ouais. On va écouter, Nicolas, l'extrait numéro 8, s'il te plaît, qui doit faire une petite minute 30. Remontant son passé à la fin de sa vie, elle m'emmenait avec elle. Nous étions grecs, arméniens. Nous étions grecs, arméniens, peut-être d'ailleurs. Nous venions d'un conte, d'un temps biblique, d'une épopée fantastique, d'un pays et d'une histoire qu'il restait à inventer. Ce qui vous prouve, si vous avez entendu, ce qui vous prouve qu'on parle en effet malgré tout. Mars Even, qui est le deuxième. Je me suis demandé dans Mars Even s'il y avait une plongée à un moment donné dans la culture arménienne, par exemple. Alors, moi, j'ai que des. Je suis désolé, mes références sont que cinématographiques, donc j'ai pensé aux deux plus évidents qui étaient Varadjanov pour la poésie des images, et puis Pelechian, bien sûr, par rapport à la mémoire, à la répétition et les images retravaillées. C'est des. Ouais, je pense que c'est de mes deux réalisateurs préférés, précisément, ouais. C'est bien tombé. C'est des choses qui sont chez Pelechian, c'est ça. C'est vraiment cette idée de retravailler ces images de mémoire aussi qu'il a. Oui, et puis ouais. Il y a aussi une puissance. Enfin, Pelechian ou ce. Je sais pas exactement. Ouais. Moi, je dis Pelechian, ouais. Mais je suis pas sûr d'avoir juste. Mais, oui, il y a une. C'est quelqu'un qui ne se refuse pas à l'émotion et à enfin, moi j'aime bien ça en fait. Souvent il y a des on a peur parfois de penser que ce serait de la sensiblerie ou qu'il faudrait aller tirer les choses vers du discursif plus, etc. Moi j'aime beaucoup Pelechian pour cet élan complètement viscéral dans lequel il nous emporte et qui est un travail de montage, de rythme, de répétition également, avec des images qui peuvent avoir un côté complètement grandiose mais qui dépasse complètement c'est pas National Geographic non plus, quoi, ces films. C'est vraiment d'une intelligence absolue en termes de montage. Et il arrive à nous amener sur une narration où on ne comprend pas, où on nous amène au début. Et à la fin du film, on comprend parfaitement ce qu'on nous a raconté. J'aime beaucoup les films qui se construisent comme ça et qui ne se donnent pas. Dès le début. Dans une narration, et Parajanov notamment, et moi, l'un de mes films préférés de Parajanov, qui est Sayat Nova, le couleur de la grenade, où d'un seul coup, on a une poésie. On sait qu'on nous raconte, c'est ce que tu dis exactement. C'est-à-dire, on sait qu'on nous raconte quelque chose, c'est pas grave si on loupe certaines choses. Puis des fois, on se retrouve, et puis d'un seul coup, on dit, ah ben oui. Et en fait, finalement, de la répétition aussi du visionnage, du visionnement, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, la répétition finalement des visions du film, ça nous permet d'accumuler des sens. Ouais, et puis je crois qu'il faut se laisser s'autoriser à ne pas comprendre. On a aussi une intelligence sensible qui est pas la même chose que l'intelligence, qui est aussi une vraie forme d'intelligence. Et on n'est pas obligé de poser des mots sur tout. Moi, il y a des livres ou il y a des films ou il y a des musiques que j'aime. Je ne pourrais pas vous dire ce que j'en pense et je ne sais pas pourquoi non plus je les aime autant. Mais c'est pas grave. J'ai pas besoin de chercher pourquoi. Enfin, il y a une compréhension des choses qui peut être autre. Et on n'a pas de raison de se refuser à ça, ouais. Je Je me rappelle de la vision que je créais Contre les deux pour elle au festival Image par Image. Oval Power était dans la salle et j'en de la guitare. Et c'est vrai que d'un seul coup, on était dans autre chose. On était dans du cinéma, mais dans un cinéma qui était aussi très physique et sur lequel on n'avait pas besoin d'explication. Je vais revenir très terre à terre. C'est quand on sait qu'aujourd'hui, on le disait, c'est compliqué d'avoir des subventions, des choses comme ça. Souvent, il faut tout expliquer. On a fait partie, et Francis et moi, de commission. Parce que vous expliquez, c'est quoi un dossier de Virgin qui t'a obligé d'expliquer énormément en espérant que ça passe, ou tu te dis non? C'est très compliqué. Faut imaginer, par exemple, le storyboard de ce que peut ressembler le storyboard de Je criais, quoi. C'est dessert, des chiens, dessert, des chiens, dessert, dessert, des chiens. Enfin, et grosso modo, il ne se passe rien d'autre. C'est très compliqué. S'ajoute à ça que, je comprends pas toujours ce que je fais. Enfin, pareil, je suis pas dans la capacité d'expliquer tout de bout en bout. Surtout dans la partie d'écriture, j'aime bien, en plus, ne pas maîtriser complètement. J'aime bien que ça m'apparaisse aussi dans la fabrication, les choses. Je trouverais extrêmement pénible, de devoir passer un an à juste appliquer quelque chose que j'aurais compris avant. Enfin, je trouve que le temps de la fabrication du film, c'est aussi un temps créatif. J'aime bien ça. Donc du coup, un dossier de subvention de Virgin Keaton, ça ressemble à un truc compliqué. J'ai de la chance d'être suivi par des producteurs comme Sacrebleu, ouais, qui du coup, on sait que Sacrebleu vont accompagner des auteurs. Ça fait état de comment dire, j'arrive pas à trouver les mots, mais c'est quand on arrive avec Sacrebleu défend un cinéma que les gens connaissent déjà. C'est-à-dire que déjà le nom du producteur va te permettre de se dire, bon, on sait que ça peut être un peu atypique comme cinéma, entre guillemets. Voilà, et puis maintenant, du coup, c'est vrai qu'à force d'avoir fait des films, il y a moins besoin de tout t'expliquer. Les gens regardent aussi, en effet, par rapport à ça. Je reviens là-dessus parce que c'est vrai que c'est intéressant déjà dans je me suis rendu compte, en fait, j'avais jamais fait attention. Dans le titre du premier film, on a ça. Je criais contre la vie, donc destruction, ou pour elle, donc renouveau juste après. Et on a vraiment un sentiment d'un monde qui s'écroule à chaque fois. Alors encore plus dans le titre de Tasmanie avec cette lave, on a l'impression. Et ce temps que tu prends est très étonnant. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'étonnant dans cette idée de destruction. Et je vais faire un parallèle qui va paraître absolument n'importe quoi pour la plupart des gens qui écoutent, mais c'est pas grave. J'ai regardé Jurassic World hier ou avant-hier en streaming. Et il y a un moment donné avec... il faut qu'ils sauvent les dinosaures sur une île. Le film n'a aucun intérêt, je vous rassure. Il faut qu'ils sauvent les dinosaures vont être... Et en fait, la lave arrive. Et en fait, on ressent strictement rien. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rien ressenti. Il n'y avait aucun sentiment, il n'y avait rien. On les regarde et en fait, on nous pousse à soi-disant avoir un sentiment. On a un regard sur elle qui fait « Mon Dieu, ils vont mourir !» Un regard sur elle. Puis, et on a l'impression d'un cinéma qui est télécommandé, qui est téléguidé pour nous, soi-disant, nous faire avoir des sentiments. Et que finalement, le temps que tu prends amène ce sentiment-là, amène cette force, finalement, de la destruction qu'on n'a pas dans un autre cinéma. Je ne sais pas si c'est une question ou plus une... Ouais. Une affirmation. Moi, je fais le constat, par exemple, même sur le tigre de Tasmanie, j'aurais voulu. C'est pour ça que j'ai des envies actuellement d'avoir des plans plus longs, des formes de films plus longs, parce que j'avais vraiment le désir de que ce glacier mette des heures, enfin des minutes et peut-être pas des heures, mais des minutes et des minutes à fondre devant nous, qu'on ait l'impression que rien ne bouge et puis que tu te rendes compte qu'en fait, si depuis le début ça bougeait et que ça va péter, quoi. Enfin, c'est. Je pense que prendre le temps de faire courir et déployer un plan, c'est très important. C'est quoi qui peut, dans ce cas-là, par exemple, te faire raccourcir le plan? Parce que finalement, dans ton style graphique et visuel et d'animation, comme tu sais qu'une animation qui est... on n'est pas dans une animation... Oui, c'est ça, j'ai l'employé limité, qui est souvent un terme pas beau, mais en tout cas, c'est ça, d'as-go de rechercher. Qu'est-ce qui t'empêcherait, par exemple, de faire aujourd'hui un tigre de Tasmanie en 25 minutes? Les financements, essentiellement. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un moment, il y a un seuil financier qu'on n'arrive pas à avoir plus pour un court-métrage. Et l'animation, mais ça reste quelque chose de très long à faire. Et 10 minutes de plus supplémentaires, ce ne serait pas possible. Ou alors, c'est... Alors, oui et non. C'est-à-dire que moi, je réfléchis à ça aujourd'hui, actuellement. C'est aujourd'hui, actuellement. Voilà. Je réfléchis à ça. En fait, je pense qu'il y a des moyens différents de faire des films. On en parlait tout à l'heure. Je pense que peut-être que on s'oblige à avoir une qualité d'image qui soit toujours fluide, dans une régularité, etc. Moi, j'aimerais travailler des films qui puissent avoir une forme de brutalité aussi dans l'animation, qui puissent arriver à des choses très souples, d'avoir des animations qui soient quasiment figées ou peu présentes ou beaucoup moins laborieuses, entre guillemets, même si c'est un terme qui peut paraître négatif. Et puis d'autres qui soient au contraire très très fluides. Et je pense qu'on peut... Il faut se donner la liberté. Enfin, on peut pas râler contre les films qu'on ne peut pas faire parce qu'il n'y a pas d'argent. On peut aussi s'inventer les moyens de faire les films qu'on veut. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui il faut construire les choses. Autrement, on n'avancera pas. Et c'est sans doute si on arrive à construire ces films en disant, bah voilà, ça existe aussi, que derrière on pourra débloquer peut-être des moyens pour que plus tard on puisse les faire avec un peu plus de facilité. Et est-ce que là où le spectateur justement a toujours du mal avec le film de prise de vue continue avec des acteurs, comme tu dis, c'est-à-dire qu'il faut que ça raconte quelque chose absolument, même si on sait qu'il y a des gens évidemment qui ne l'ont pas fait, est-ce que l'animation a pas un, alors, je vais pas dire un boulevard, mais en tout cas quelque chose qui peut justement, on parle de sensible, et d'amener d'un seul coup un film qui est juste là pour nous juste là, c'est tellement important, mais nous transmettre juste quelque chose par rapport au sens. Ouais, mais je pense que ça existe dans le cinéma de fiction aussi, hein, si on parle de Parajanov, oui. Par exemple. Mais c'est toujours plus compliqué, je trouve, non? Je sais. J'ai l'impression. Francis n'est pas d'accord. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il n'était pas d'accord. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est quand même très difficile aujourd'hui de faire un long métrage d'animation adulte et peu narratif en France. Enfin. Ça, par contre, ouais. Tout dépendra encore une fois de l'argent, non, finalement. Maëlys, tu voulais... Non, en fait, j'étais complètement d'accord avec ce qu'elle disait, parce que bon, j'ai été confrontée au souci aussi, en fait. Mon projet de cours, c'était ça. Et à un moment donné, on s'est pris les pieds dans le tapis au niveau des subventions, parce qu'on voulait faire un truc qui devait durer dans les 23 minutes, sans narration. Un truc vraiment expérimental, expérimental, mais quand même relativement formel, mais pas formel comme les films sur lesquels je peux travailler. Enfin, c'était une autre chose. En plus, c'est beaucoup un gros travail sur le son aussi. Et ça, c'est toutes les critiques qu'on se prend dans la tête sur les subventions. Mais est-ce que ça veut pas dire... Est-ce que ça vous veut pas dire... Qu'est-ce que vous voulez? La structure de votre scénario, il n'y a pas un personnage qui se détache complètement. Enfin, t'es là, c'est pas le propos, en fait. Mais est-ce que aussi, c'est peut-être triste à dire, et je dis pas que c'est une chose qu'il faut accepter, loin de là, mais par exemple, je le dis souvent, ce qui est le renouveau, en tout cas, beaucoup de choses qui se passent dans le court-métrage qui est nouveau, vient de Chine, là où ils n'ont pas d'argent, et là où, de toute façon, où ils font le court-métrage parce qu'ils doivent le faire, et quelque part. Et je dis pas encore une fois, on a la chance d'être dans un pays, il faut pas revenir là-dessus pour avoir des subventions pour l'art, et surtout, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que je trouve que là, d'un seul coup, en Chine, on peut voir des choses justement qui vont faire 15-17 minutes en se disant, mais comment ils ont pu faire ça, avec des narrations complètement barrées dans d'autres styles, sans argent, parce qu'ils savent que de toute façon, là-bas, ils cherchent même pas. Il n'y a aucune possibilité d'avoir de l'argent par rapport à ça. Ça dépend du médium, tu vois. Là, quand tu pars, enfin moi, en l'occurrence, c'était un truc en stop motion, t'as besoin de plateau, t'as besoin de recruter des personnes qui t'aident, machin, enfin voilà, c'est compliqué. Tu fais plein de mais par choses. Contre, évidemment, oui, comme ce que disait Virginie, enfin, tu peux faire d'animation limitée et faire un choix, penser tes films dans ce sens. Mais à ce moment-là, il faut vraiment les penser en amont dans ce sens. Avec un scénario qui fonctionne. Enfin, pas un scénario, mais un truc. En tout cas, une idée de ce que tu veux faire dans ce sens. Ah oui, complètement. Oui, il ne faut pas que ça soit à défaut l'animation cheap parce qu'on n'aurait pas eu les financements ou le temps, mais dès l'écriture, le penser. Par exemple, je pense à quand on fait du clip sur un film comme Le Tigre qui fait 13 minutes, c'est un an d'animation pour 13 minutes. Sur un clip des Marquises qui dure 5 minutes, c'est un mois d'animation. Donc évidemment qu'on ne pratique pas la même animation quand on va devoir faire 5 minutes en un mois ou qu'on a un an pour faire 13 minutes. Et l'idée, c'est justement d'être inventif dans ses moyens, trouver des solutions pour raconter quelque chose sans que ça soit qu'on sente une fragilité technique, mais trouver les outils adéquats pour ça. Et c'est aussi très intéressant parce que dans cette économie de moyens, l'économie de moyens, elle est toujours très intéressante, moi, je trouve, parce qu'elle nous pousse à devoir trouver les bonnes solutions et aller au fond de ce qu'on veut raconter de manière efficace et de manière parfois très simple. Le cinéma n'a pas toujours eu toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui de superpuissance de logiciels, etc. Et on faisait des films qui étaient d'une puissance et d'une beauté absolue. Donc, c'est aussi intéressant de réfléchir à ça et de quel cinéma on veut proposer et de comment on va le faire. En effet, ça se travaille en amont dès l'écriture, ouais. je pense. Et est-ce que c'est pas, je vais même plus loin, est-ce que c'est pas une obligation qu'on a par rapport, encore une fois, à avoir un public et élargir le public qu'on a de l'animation qui est pour l'instant encore restreint et d'aller les voir en disant, on parlait des gens de l'art contemporain et on peut être très critique et je suis très critique aussi des gens de l'art contemporain ou des gens, on parlait un petit peu en micro du street art, enfin des choses comme ça et je pense qu'en effet, et est-ce que c'est pas à nous justement du monde de l'anime de réfléchir parce que les gens vont arriver extérieur de l'animation, ils vont dire ben moi non, ton animation, on parlait, y a quelqu'un qui s'appelle Anka Damian qui fait avant tout du long métrage, enfin qui a fait avant tout de la prise de vue continue, qui s'est lancée dans l'animation, et quand on parle avec elle sera à Fontevraud, quand on parle avec elle, elle dit voilà, mais les gens, les Français, là, je travaille avec des gens, ils sont trop, ils font trop de choses, moi je veux aller plus vite. Michel Oslo, quand il a commencé à travailler en 3D, disait aux animateurs non, mais là tu me fais un truc marionnette animée, moi j'ai pas besoin de tout ça. Et est-ce qu'en effet, est-ce qu'on n'a pas, est-ce que c'est pas quelque part une obligation qu'on a dans le monde de l'anime de se dire à un moment donné qu'il faille de tout en fait, qu'il faut de tout, je pense. L'expérimental, du Ken Loach, du Spielberg, et puis du très spontané, enfin arriver à sortir des films assez vite, mais il faut aussi des trucs qui prennent leur temps parce que le propos l'exige aussi, parce que le médium l'exige. Et enfin moi je trouve ça bien qu'on puisse avoir le choix entre tous ces trucs là dans l'idéal. Sauf qu'il y a peu de films qui se font de manière rapide. Finalement, je parle de film, justement, pas de clip, pas de commande. Tu vois, nous, à l'école, on est avec Serge Elissalde, qui était génial. Il nous a fait faire un exercice, c'était le meilleur exercice de ma vie, faire un film de 2 minutes en une semaine. Mais alors, le rallye d'anime, les fameux rallyes d'anime. Animation limitée, ou il appelait ça, ouais, c'est ça, ou rallye d'anime. Et franchement, il y a des choses qui sont sorties spontanément. Et ça, moi, je peux pas dire. Enfin, quand tu fais les choses aussi, que tu cogites pas non plus 10 ans sur chaque process de ton film, tu vas aussi à l'essentiel. C'est différents exercices, quoi. Tu peux le faire comme ça et tu peux le faire aussi. Mais c'est souvent, ça permet. Mais c'est très bien. Enfin, moi, je suis fan de ça. Kyrielle de Boris Labbé a été fait justement dans un exercice comme ça de Serge Elissalde et qui permet de travailler finalement. Mais vraiment cette particularité, je pense, du cinéma, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à un peintre de faire un dossier sur le tableau qu'il va le peindre en avance, en l'expliquant avant même qu'il existe. On ne demande pas non plus à des musiciens de le faire. Alors, à la fois, c'est tout à fait compréhensible parce que le cinéma nécessite des moyens, donc des subventions importantes, et qu'on ne peut pas juste donner de l'argent sur une idée ou sur... Et on a, le cinéma est sans doute un des arts aujourd'hui qui est le avec lequel il est plus facile de vivre, je pense, que enfin par rapport à la musique, par rapport à la littérature. Donc c'est à la fois le côté très très positif du financement du cinéma, et c'est aussi sa limite parfois, qui est justement qu'on perd en spontanéité ou parce qu'on nous demande d'avoir figé les choses avant même que d'avoir testé, quoi. Pas devenir trop formel, quoi. Encore pire, même. Ça va nous faire perdre l'essence de notre, enfin la substance de ce qui nous anime pour faire ces choses-là. Ça trop segmenter les trucs, ça fait, enfin. Et puis ce qui marche sur papier ne marche pas. Et comment est-ce qu'on peut dire que le rythme est bon ou que l'intensité prend tant qu'on n'a pas mis les choses en mouvement? Enfin, entre ce qui marche sur du papier et ce qui marche pour de vrai, c'est pas la même chose pour pouvoir les éprouver un peu. Mais par exemple, c'est drôle. Moi, je suis dans une commission en ce moment et c'est vrai qu'on est certains à lire le scénario. Certains lisent le scénario et moi, je sais que dès que j'ai une animatique, je regarde l'animatique. Sans lire le scénario même. Ouais. Et il y en a qui vont dire, moi je lis que le scénario, je regarde pas l'animatique. Ça, c'est curieux. Et je trouve ça... Je comprends pas. Enfin, moi je pars du principe qu'en plus, que ce soit l'image, la peinture, tout ça, ou la musique, c'est des langages à part entière, en fait, en dehors du langage écrit et littéraire. Et donc, je sais pas, le résultat, ça va être quoi? Ça va être un film, donc des images et du son. Et en plus, il n'y a pas de dialogue, mettons. Et je trouve ça absurde de vouloir absolument lire ça sur papier au lieu d'essayer de voir ce que la personne elle a vraiment envie de te montrer de son sujet. Je sais pas, ça me paraît juste on a quasiment 53 ans, on finit comme on disait, ça va vite. Le travail, une dernière question d'abord pour Virgin, deux petites questions rapides. T'as travaillé, c'est important en fait, je me rends compte, t'as travaillé avec Yasmine Fanari qui est syrienne, t'as travaillé avec Sitraka Randriama Ali, donc malgache, pareil, de se confronter finalement, et peut-être aussi toi t'as travaillé avec Rezia, dont j'ai oublié le nom maintenant, Reza, voilà, qui est iranien. Est-ce que ces rencontres-là aussi, elles vous font, d'abord, c'est un partage, et elles vous font évoluer dans votre vision peut-être? On sait par exemple qu'à Madagascar, les conditions pour faire un court-métrage d'animation sont très très particulières, hein. Il y a souvent des coupures d'électricité, des choses comme ça. Bien dit, toi. Bah, surtout que c'était Sitrak, il y avait quelque chose de très particulier, c'est qu'il a vraiment appris l'animation tout seul. Évidemment, il n'y avait pas d'école. Et il a décortiqué par lui-même en regardant des films, en regardant comment ça marchait. Donc, il y avait des choses d'une, parfois qui étaient un peu naïves, forcément, mais avec une naïveté aussi tout à fait positive. C'est-à-dire que, justement, quand on parlait de, tout à l'heure de, oui, le cinéma, où ça s'est fait aussi avec des moyens qui étaient plus petits et parfois avec des ficelles qui sont visibles. Mais c'est, ça enlève en rien la, ni la qualité, ni l'émotion, ni l'intelligence que peuvent avoir ces projets-là. Et quand on parlait d'économie de moyens, c'est là aussi où ça se place. Je pense aussi à Yasmine qui travaillait sur, quand, enfin, quand on s'est rencontrés, travaillait sur un projet par rapport à des événements qui se passaient en Syrie à ce moment-là, enfin, les événements qui commençaient à ce moment-là en Syrie. Il y avait une urgence à travailler ça, et il était hors de question de rentrer dans une mode d'écriture qui allait prendre un an, deux ans, ou, et ça, c'est pareil. Du coup, c'était chercher, elle cherchait des moyens qui étaient évidents, efficaces, et avec une écriture qui devait aboutir très rapidement, quoi. C'est, ça, c'est des choses intéressantes. Mais Elise, par rapport à non, mais la rencontre avec d'autres cultures aussi, est-ce que d'un seul coup, ça fait réfléchir différemment l'animation? Pareil pour Reza, il y avait une importance aussi de raconter des histoires. Lui, c'était La Poudrière, c'était son film de La Poudrière notamment. Oui, en plus, lui, il a pu faire un peu l'expérience de choses auxquelles je n'avais pas encore spécialement touché. Et la peinture sur verre, le au bon titre, et puis le papier découpé là actuellement, où il m'avait demandé pour faire assist entre elles d'ailleurs de son film. On a beaucoup grandi ensemble dans nos visions avec Reza, du coup ça s'est beaucoup entremêlé, on se consulte en permanence l'un l'autre, alors qu'on bosse pas du tout dans les, enfin sur les mêmes sujets, mais on a vraiment un œil qui s'est enfin fondu en fait dans nos différents projets. Et moi, d'ailleurs, je le suis là-dessus à fond. Mais ouais, du coup, de sa vision iranienne, il a vraiment une manière picturale de raconter les choses qui lui est propre et qui a un motif très. Enfin, voilà, où il a fait des trouvailles, lui, dans sa mise en scène et dans ses personnages, dans la manière de se mouvoir, etc., qui lui sont propres. Et où, pareil, il m'a demandé pas mal de conseils sur comment pouvoir arriver à les animer, les machins. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, cette confrontation de technique et de culture, en fait. Ça peut apporter énormément. Ouais, ça peut. Là, j'ai fait quelque chose qu'on ne fait normalement pas, parce que quand on a une question, si elle est passée, on ne revient pas dessus, parce que ça, mais je vais revenir dessus. Quand même, l'importance de la nature dans ton cinéma, qui est une évidence, forêt, d'endormir, et même dans les clips, j'en criais, les montagnes, bien sûr, vallées closes, forêts, montagnes, glaciers, la jungle aussi, dans Le Tigre, les animaux dans chaque film, il y a assez peu d'êtres humains finalement, sauf dans Mars et Vannes, bien évidemment, pour quelqu'un qui vient plutôt d'une ville, Lyon. Non, je suis née à la campagne. T'es née à la campagne, dans un petit hameau de 4 fermes, donc j'ai couru dans les bois toute mon enfance, je me suis écorché les genoux, et voilà. Donc c'est ça, c'est cette nature à la fois. Qui est tout le temps, c'est ce cycle. C'est toi, tu l'as vu. Je trouvais ça très beau. J'ai oublié évidemment le nom maintenant. Un réalisateur qui vient de finir La Poudrière et qui disait il fait un film sur le printemps et puis qui arrive après l'hiver. Il disait qu'il avait juste envie de parler de ce qu'il a vécu, c'est-à-dire le cycle qu'il voyait plus dans la ville. Oui, et c'est exactement ça, dire que j'ai pris conscience en me mettant habité en ville que quand on habite à la campagne et puis dans un petit hameau en particulier. On voit que la nature existe, on subit entre guillemets, mais positivement. Quand il neige, on va à l'école à pied, quand l'eau gèle, on va chercher l'eau au puits, ce qui est des choses très simples. Quand il fait chaud, on se met à l'intérieur parce que pour rester dans les maisons en pierre, parce que voilà. Et quand la nuit tombe, il fait nuit et on va pas jouer dehors. Et en fait, cette présence et cette existence et cette vie de la nature, on la ressent et on sait qu'elle est là, et du coup je pense que ça amène aussi une forme de respect beaucoup plus importante. Et puis d'un coup on arrive en ville et puis on se dit qu'en fait il y a que les hommes qui existent, et que qu'est-ce qu'ils sont bien, qu'est-ce qu'ils sont grands, qu'est-ce qu'ils sont forts, et on parle que de ça. Et non. C'est quelque chose qu'on prend en compte, Maëlys, quand on fait du développement graphique, des choses comme ça pour d'autres, se dire, je sais pas, les différents environnements pour lesquels tu as travaillé tout en haut du monde, etc. Il y a des choses, se dire, tiens, on va replacer aussi, en plus qu'on est militant, la nature au centre aussi un petit peu de. Il y a une dernière chanson de Dominica qui dit ça, qui dit qu'on est. Maintenant que l'être humain se rend compte qu'il est plus au centre de tout sur Terre et qu'il est temps de replacer un peu la nature aussi complètement. Ça fait partie des choses très importantes, même là sur Calamity, les grands espaces, toutes ces choses-là en plus qui étaient vierges à l'époque quand les pionniers arrivaient ou dans tout temps du monde, ces grandes étendues glacées. Qui fondent à vue d'œil. Moi, ce qui me fait un peu flipper là, avec la ville et tout, c'est que là, je discutais avec des collègues au boulot, de jeunes qui grandissent là en ville et tout, et qui, eux, ne sont pas choqués par des pièges à oiseaux dans les arbres, des machins, plein de trucs. En fait, ça fait un petit peu peur aussi, le côté complètement citadin et de vivre et de naître là-dedans. J'espère qu'on va retrouver notre place et bien comprendre qu'on s'inscrit complètement dans la nature, parce que petit à petit, avec les grosses métropoles, ça peut bouffer. Ouais. C'est un gros défaut. le côté militant revient en effet aussi. On parlait de beaucoup de choses, mais sur le fait de peut-être voir que ce que je disais au début, que les gens qui n'ont pas de logement, des choses comme ça, ou alors des choses graves, des choses, la perte de la nature, finalement deviennent presque d'une banalité, en tout cas se banalise. Ouais, il faut jamais que ça se banalise. Ça se banalise, ouais. C'est mais je pense que de toute manière on va se prendre un revers, on va se prendre une veste, quoi. Il va se passer un truc à un moment donné, mais on en dépend. La nature va enfin reprendre ses droits. J'ai fermé l'ordinateur, on va finir. Merci beaucoup à toutes les deux. Je pense qu'il y avait largement de quoi dire plus que ça. Comme tu veux, Nicolas, on aurait pu écouter Sun Ho, de la musique métal comme je l'aime. On l'écoutera pas, on écoutera ça à un autre moment. On aurait pu écouter Eric Mingus, le fils d'eux, avec Too Many Bullets, justement, qui raconte les violences policières aussi. Et on peut finir, si tu veux, si juste pour faire un générique final, parce que c'est très court, mais on n'est pas obligé d'écouter jusqu'à la fin, par Rimshot d'Erika Badu sur son premier album, pour avoir un côté un peu plus soul, pour vous souhaiter un bon été. Et puis après, y a personne, donc continuez autre chose. Et puis merci à toutes les deux infiniment. Merci à toi. Merci à vous. Merci à Fears. Moi je suis Tears. Et merci beaucoup à Nicolas, et on se retrouve fin août, début septembre, on verra bien. À bientôt, bye bye.